Moi, il faut souligner que par rapport aux continuations de Perceval, au Perceval en prose, au Père Lesvos, c'est l'œuvre du, c'est le cycle qui va vraiment continuer la tradition des romances, des histoires d'amour qui étaient vraiment essentielles. On a vu avec Marie de France, on a vu avec l'histoire de Tristan et Iseut, on a vu avec Chrétien de Troyes avant ça, que c'était une part essentielle de ce type de littérature et que dans les œuvres qui sont vraiment centrées sur Perceval et dans la quête du Saint Graal aussi, ça passe vraiment au second plan. Et le génie du Lancelot, je dirais, c'est d'avoir mis ensemble l'histoire d'amour de Lancelot et Guenièvre en opposition avec la quête du Saint Graal qui est vraiment spirituelle et d'en faire en plus le ferment de la discorde qui va mettre fin au royaume arthurien. Et ils ont vraiment mis ensemble le versant spirituel du conte du Graal qui a été plus ou moins inauguré par Chrétien, les continuations, la tradition des romances, les histoires d'amour et la tradition de la chute du royaume arthurien dans des batailles. Et ils vont vraiment assembler les trois ensemble et c'est vraiment... Quand on pense légende arthurienne, généralement, aujourd'hui, les fans actuels de légende arthurienne, c'est ça qu'ils adorent, en fait. Camelot, Camelot, in far off France I heard your call. Camelot. Et ben voilà, l'autre, il provoque le fils de Ban. Ban ? Qui c'est celui-là ? Moi, des Ban, je connais pas 50. Ah oui, c'est le roi Ban, quoi, je vois que ça. Le roi Ban, il est desséché depuis longtemps. Oui, mais non, là, c'est le fils de Ban. Fils de Ban. On peut pas l'appeler directement par son nom, le nous emmerder. The soul of a knight should be a thing remarkable. His heart and his mind as pure as morning dew. With a will and a self-restraint, that's the envy of every saint. He could easily work a miracle or two. To love and desire, he ought to be unsparkable. The ways of the flesh should offer no allure. But where in the world is there in the world a man so untouched and pure? Tiens. Cette nuit, j'ai rêvé qu'il y en avait un qui essayait de me piquer ma femme. C'était qui ? Je sais plus. J'arrive pas à me souvenir. C'est moi ! C'est moi, c'est moi. I blush to disclose. I'm far too noble to lie. That man in whom these qualities bloom. C'est moi, tis I. I've never strayed from all I believe. I'm blessed with an iron will. Had I been made the partner of Eve, we'd be in Eden still. C'est moi, the angels have chose to fight their battles below. And here I stand as pure as a prayer, incredibly clean, with virtue to spare, the godliest man I know. C'est moi! Ex quondam. Exque Futurus, épisode 15, le Lancelot propre. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui un épisode un peu spécial, donc avant de nous lancer là-dedans, avant que Rex Quondam, Rexque Futurus ne s'attaque à cet énorme morceau et s'effondre sous sa propre masse, nous deviendrons une espèce de trou noir dans l'univers du podcast, les gens passeront avec leurs vaisseaux spatiaux et diront « Ah, c'était ici Rex Quondam, Rexque Futurus il y a un temps, il y a une espèce de néant sans étoile », parce que nous allons attaquer le Lancelot Graal, le grand, plus grand cycle en prose, disons, le plus influent en tout cas du Moyen-Âge. Et ça va forcément durer un peu longtemps, donc on va y consacrer normalement 4 émissions. Donc avant ça, je voulais quand même rappeler que Antoine, tu faisais d'autres émissions sur Radio Kawa. Oui, avant qu'elles disparaissent emportées dans le trou noir de notre émission sur Lancelot. Je participe à TVNR, qui vient de finir sa saison, et je participe aussi de temps en temps aux commentaires en direct, par exemple de l'Eurovision. J'étais dans la cartouche récemment pour parler de l'E3, la grande messe du jeu vidéo en Amérique. Et vous pourrez me retrouver samedi dans l'émission spéciale consacrée à la fin de saison de Radio Kawa. Tokugawa, la dernière de la saison, où on célèbre le départ de notre bien-aimé président directeur général, grand maître Magneto, sachem suprême Ian Reeder, qui petit père des émissions, qui le petit père des émissions exactement, qui quitte la direction générale de Radiokawa, qui a été reprise par Frank alias Fox, notre nouveau, enfin non, c'est plutôt la transition vu que Fox a comme une barbe, il me semble qu'il a la barbe, Fox, il est plus stalinien que le, c'est le Staline du Lénine de Yann, en fait, c'est lui le petit Yann, père des émissions. On va mettre Yann dans une espèce de cercueil en verre et puis on va l'exposer voilà, à la vue de tout le monde. Sur la place rouge. Non, du coup, je serai samedi à Paris pour ça, donc si vous voulez nous croiser, si vous écoutez ce podcast avant samedi 7 juillet et que vous êtes, il y a encore des tickets, je crois, pour l'émission directe, et il y a aussi des tickets, je crois, pour Allo Central le dimanche 8. Ah, ils sont pas pleins déjà. Alors, l'apéro de fin de saison est plein, mais je sais que il y a encore des billets, je crois, pour les émissions, notamment pour Allo Central. Il y a un quiz de fin de saison auquel je participe en mémoire de mes participations à Allo Central quand on faisait encore Allo Central en direct sur l'internet, chacun de notre coin de France, avant que ce soit centralisé sur Paris. La centralisation galopante, le jacobinisme délirant français. Non, faut pas que j'implique trop de visée centralisatrice chez Lucille, quand même, qui est très gentille et qui m'héberge ce week-end. Donc, non. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y a d'autres émissions à Radio Kawa. Si vous nous écoutez que nous, vous y manquez de point de vue, je pense. Il y a beaucoup d'émissions très sympas sur Radio Kawa. Soyez curieux, écoutez-les avant que cette émission s'effondre effectivement sur son propre poids, comme tu le disais. Ok, donc tout ça c'est très sympa. Maintenant, on va parler du Lancelot Graal. Alors d'abord, petite présentation globale du cycle. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de un cycle, donc 5 œuvres qui sont liées les unes aux autres, qui sont connectées, qui traitent un peu de différents volets de l'histoire. Si on les lit dans l'ordre dans lequel les événements se déroulent, ce qui n'est pas l'ordre d'écriture, mais plus là-dessus dans un instant, vous avez d'abord l'histoire d'El Saint Graal, qui est, si vous voulez, une réécriture du Joseph d'Arimathie dont on a déjà parlé. Il y a beaucoup plus de batailles, des rois païens qui se convertissent au christianisme, on raconte toujours l'histoire du Graal, on met en place des événements plus tard dans le cycle. Vous avez ensuite ce qu'on appelle souvent l'histoire de Merlin, ce qui est donc le Merlin en prose qu'on a déjà vu, mais on lui rajoute une suite, qu'on appelle généralement la suite Vulgate, parce que l'ensemble du cycle est aussi appelé la Vulgate. Un petit point vocabulaire dans un instant. Donc vous avez le Merlin en prose jusqu'au couronnement d'Arthur quand il sort l'épée de l'enclume. Et la suite Vulgate, c'est en fait Arthur qui se bat contre ses barons rebelles, ce qui est un truc récent en fait, c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas vraiment avant. Il se bat contre des Saxons. Et les barons rebelles se battent aussi contre des Saxons. Donc vous avez des batailles entre ces trois camps, un peu tout le monde contre tout le monde. C'est très laborieux, c'est généralement considéré comme la pire partie du cycle. C'est pas difficile de voir pour toi, c'est pas très imaginatif. Mais il y a des innovations dedans, typiquement le fait que Merlin est emprisonné par Viviane. Ça c'est quelque chose, un motif qui est quand même très important dans l'histoire de Merlin. Il apparaît ici, deux, trois petites innovations. Ces deux parties-là, l'histoire du Graal et l'histoire de Merlin, c'est un peu des prologues si on veut, presque on pourrait parler de préquels, parce qu'il est généralement admis qu'elles ont été écrites à la fin. C'est-à-dire qu'on les a mises à la fin, parce qu'on s'est dit, oh, ces deux parties du cycle de Robert de Boron, il faut quand même les rattacher au reste du cycle. Et le reste du cycle, c'est en fait une trilogie, qu'on appelle parfois le Lancelot en prose, ça va vite devenir confusant, mais qui est constituée de... donc, une trilogie de trois parties, d'abord du Lancelot propre, qui est écrit probablement entre 1215-1220 par là, qui constitue la section la plus longue, généralement elle fait une moitié de tout le cycle, et ça porte sur les aventures de Lancelot, donc sur son enfance, le fait qu'il grandit, quelques aventures qu'il fait, son histoire d'amour avec Guenièvre, et son arrivée à la table ronde, et ça met en place quelques événements des histoires suivantes, notamment la naissance de Galahad, car la partie suivante c'est la quest d'El Saint Graal, où le Graal va être quêté et trouvé, donc une histoire riche en allégories, où des chevaliers, où le Graal va être trouvé finalement par Bort, Perceval et Galahad, qui est le fils de Lancelot. Donc là c'est une innovation où Perceval n'est plus le seul héros du Graal, ce qui est pourtant le seul qu'on a vu jusqu'ici. Et l'accomplissement de la quête, une fois fini, les gens reviennent et on arrive à la mort le roi Arthur, ou la mort du roi Arthur, écrit probablement autour de 1230 sur la discorde qui s'installe dans le royaume après la quête, c'est-à-dire que quelques personnes reviennent de la quête, et il y a une grande vendetta qui est lancée en fait par l'adultère de Lancelot et Guenièvre qui est découvert. Donc c'est la première fois où on a cette idée que la discorde de la table ronde et la chute du royaume arthurien qu'on avait dans les Brutes et l'histoire de Geoffrey de Monmouth. Pour une fois, enfin, à partir de maintenant, c'est la relation entre Lancelot et Guenièvre qui va vraiment aboutir à cette désagrégation. Et ça aboutit à la trahison de Mordred. Et en fait, Arthur pourrait se sauver en faisant appel à Lancelot, mais il choisit de ne pas le faire à cause du conflit qu'il y a eu entre eux précédemment. Et c'est le fait qu'il ne fasse pas appel à lui qui fait que Lancelot arrive trop tard et que bah, Arthur et tous les chevaliers dont la tradition gardait la mémoire sont morts. Ce qui aboutit à la fin du cycle, l'épée qui est lancée dans l'eau et qui est récupérée par une main. Donc, généralement, on utilise le terme de Lancelot Graal pour tout le cycle, même si c'est pas très consistant. Ferdinand Lowe fait un peu de choses, mais Lancelot Graal, c'est-à-dire tout le cycle. On parle aussi beaucoup de Vulgate, parce que c'était la version la plus répandue, la plus vulgairement connue par le Vulgus. On parle aussi de Lancelot en prose pour la trilogie originale, si on veut, et Lancelot propre pour le Lancelot lui-même, donc il parle des aventures de Lancelot. Donc c'est un peu confusant, mais c'est généralement assez facile de voir vu le contenu du texte. Le terme de Vulgate est un peu moins utilisé aujourd'hui, j'ai l'impression, mais on y fait référence quand on parle de la post-Vulgate, qui est un autre cycle en prose, qui s'inspire largement de celui-ci et qui le simplifie et qui ajoute des détails et qui combine d'autres parties, mais on en parlera plus tard. Plus tard, parce que sinon, ça ajoute trop d'éléments, je pense. Oui, parce que ce cycle est atrocement long. On parlera un peu des éditions dans un instant, mais il est atrocement long. Et du coup, la post-Vulgate, c'était une tentative, basiquement, de se débarrasser du Lancelot, c'est-à-dire de remplacer le Lancelot par une suite de Merlin, une autre suite de Merlin, et de dire, OK, on va enlever toutes ces petites histoires, romances qui apportent pas grand-chose, et se concentrer sur la quête du Graal. Ce qui aboutit à un cycle plus court et peut-être plus proche de ce qu'on imaginerait, parce que c'est vrai que le Lancelot c'est quand même long, comme on va le voir. C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, l'histoire de Lancelot et Guenièvre. Il faut peut-être préciser aussi qu'en termes de période d'écriture, ces textes sont écrits tous au XIIIe siècle, hein, à la fois les textes en prose du Lancelot Graal, de la Vulgate à proprement parler, et un peu plus tardivement la post-Vulgate. On est dans la première moitié du XIIIe siècle. Oui, ça se fait avant. C'est la grande explosion qu'il y a eu entre 1190 globalement et 1240-1250, vous avez un demi-siècle dans lequel vous avez basiquement toute la légende arthurienne qui s'élabore, en fait. Dont, justement, ce Lancelot Graal entre 1215 et 1230, même si c'est très débattu. On peut peut-être enchaîner justement sur la question de l'unité et de la rédaction du cycle, c'est-à-dire est-ce que ce cycle a été fait par une seule personne? Est-ce que c'est plusieurs auteurs qui ont été coordonnés par un architecte? Est-ce qu'au contraire, il y a eu plusieurs étapes de rédaction? Quelqu'un ferait un Lancelot, quelqu'un raccorderait un truc, quelqu'un changerait, rajouterait des épisodes pour faire concorder tout ça? Il y a eu une tradition française assez forte et d'assez mauvaise foi parfois pour essayer de défendre l'idée qu'il y a eu une espèce d'un seul auteur, en tout cas. Par exemple, Ferdinand Lotte pensait que le cycle avait été rédigé d'abord sur la question de la datation. On pense que le cycle était rédigé à Robert de Boron et la continuation Manessier en 1927, donc c'est à peu près les mêmes eaux qu'on pense aujourd'hui. Il arrivait à une fourchette probable de 1921 au plus tôt, parce que c'est mentionné, parce qu'il y a un nom sarrasin de Séraph dans l'histoire du Graal, je crois, qui est pris dans une lettre probablement de Jacques de Vitry, donc une inspiration de ces lettres qui parlent de l'Orient, et 1225 au plus tard pour laisser de la place à Manessier pour rédiger son truc, ce qui voudrait dire une œuvre par an aurait été rédigée sur une période de 5 ans, ce qui est bon, voilà, on peut peut-être pas fixer le planning de rédaction aussi proche. Faut dire aussi, faut tenir en compte le fait qu'il y ait une transmission de ces textes qui est beaucoup plus lente. Hein. On parle pas d'un texte qui va être diffusé immédiatement après sa publication. Ils doivent mettre quand même quelques années, quelques mois, quelques années pour trouver leur public, certainement. Même si dans les cours centrales qui occupent le cœur de notre paysage littéraire à l'époque, ça se diffuse évidemment beaucoup plus vite. On a des espèces de bornes et de mentions. Typiquement, l'histoire du Graal est mentionnée par Elinan de Froimont. La mention est un peu pas claire parce que certains ont considéré que ça mentionnait tout le cycle ou que ça mentionnait juste l'histoire du Graal. Et le Lancelot est mentionné dans le prologue d'une version française perdue du Philippis de Guillaume le Breton, où il dit « Les livres Lancelot où il n'a de rime un seul mot ». Donc il fait mention du fait que ce n'est pas une œuvre en rime mais en prose. Et c'est quelque chose qui commence à être mentionné parce que ces cycles en prose commencent à devenir un peu omniprésents. Donc sur la question de la composition, on peut se demander qui l'a rédigé. La toponymie révèle pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on a des mentions d'endroits en Angleterre, mais qui sont un peu fictifs, on a quelques endroits qui sont mentionnés. L'élément le plus, qui est le plus explicite, c'est qu'il se revendique être l'œuvre de Gautier ou Walter Map, qui était un clerc. À la fin de la quest del Saint Graal, il prétend être Walter Map et avoir traduit une œuvre du latin. Enfin voilà, toujours ce problème des sources revendiquées des auteurs médiévaux. Pauphilet dit que l'attribution est fantaisiste et qu'il n'y a pas lieu de la discuter parce que Map est mort en 1209 et ce serait beaucoup trop tôt pour ce cycle-là, en tout cas. Elle apparaît en fait que dans la quête, je crois, et pas dans le Lancelot propre, par exemple. Donc Jesse Weston ou Ernest Brugger, qui sont quand même des têtes, ont pu défendre que Map était au moins l'auteur du cœur de l'œuvre, même si elle avait été remaniée plus tard, mais bon, ça nous avance pas à grand-chose. Ferdinand Lotte, donc pour avoir un français, il a défendu l'hypothèse d'un auteur unique dans son étude sur le Lancelot en prose en 1918. Et son développement a été rejeté par un peu tout le monde, Weston ou Pauphilet notamment. Pauphilet pointe par exemple que les différences de thème et de ton dans la trilogie impliquent au moins des auteurs différents. Typiquement, dans le Lancelot propre, vous avez une romance fougueuse entre Lancelot et Guenièvre et vous êtes clairement du côté des amants, même s'il y a un peu de remords de temps en temps. On sympathise avec eux. Dans la quête, Elle est fortement condamnée, parce que c'est ça qui empêche à Lancelot de participer à la quête du Graal. Mais dans l'amour, Arthur rebelote, il retombe amoureux et il retombe dans le péché. Donc, mais ça, c'est un argument scénastique, parce qu'on pourrait, disons, il y a quelques incohérences et des trucs comme ça, mais on pourrait les retourner et dire, en fait, non, c'est ça qui fait l'efficacité de cet enchaînement, justement, cette espèce de thèse, synthèse, antithèse de la relation entre Lancelot et Guenièvre. Et vous avez la pseudo-renonciation de la quête, où Lancelot est là, oh, je renonce à mon amour, mais il n'y arrive pas, et puis finalement, dans la mort, il renonce finalement à Guenièvre, et c'est beaucoup plus sincère d'une certaine manière. Donc ces arguments peuvent aller dans les deux sens. Donc l'argument d'un seul auteur, elle convainc généralement pas, mais par exemple pour Brugger, il y aurait eu un cycle originel de Boron à quatre branches, avec le Joseph, le Merlin, le Perceval et la proto-mort Arthur à la fin du Perceval, auquel se serait rajouté le Père Lesvos, enfin remplacé par le Lancelot, et il considère que, en fait, ça demande pour lui d'attribuer une part du cycle post-vulgate à Robert de Boron. Enfin, c'est assez compliqué pour cette opération-là. Malgré ses détours, il maintient que le cycle est composite, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes de rédaction. Neil Carman se livre, d'après Micha, à un véritable dépeçage du roman en postulant une bonne douzaine d'auteurs pour tout le cycle, donc en le coupant en morceaux puis en disant ça a été rédigé par des gens différents, ce qui est peut-être un peu exagéré. Et il l'imagine composé à l'instigation d'Éléonore d'Aquitaine et inspiré par les étapes de sa vie, c'est-à-dire que il essaie de faire un développement où il dit Éléonore d'Aquitaine à chaque étape de sa vie aurait correspondu à une étape de la rédaction, et c'est pour ça qu'on aurait des changements de ton, parce qu'elle commandait des choses différentes. Là, le problème de cette théorie, c'est quand même qu'Éléonore d'Aquitaine vit un peu trop tôt pour ça, je pense. Enfin, en tout cas, pour une commande directe, on est un peu tôt, à mon sens, pour un truc. Si c'est censé avoir été composé dans les années 1215, 1220, par là, ça me semble un peu tardif. Ouais, c'est un peu difficile. C'est généralement pas accepté, mais disons, c'est une tentative qui a eu... où on voit qu'en fait, on a une tendance un peu... anglo-saxonne, pour utiliser le terme, mais anglaise et américaine, a considéré que le cycle est composite, puis il y a une tendance française à vouloir absolument, pour des raisons peut-être un peu chauvines, je pense qu'il faut admettre, qu'il y a un grand auteur ou un grand architecte. C'est l'espèce de compromis qui a été avancé par certains critiques français renommés, hein, des grands critiques français de la légende arthurienne du siècle passé, comme Jean Frappier ou Alexandre Micha, qui ont fortement défendu l'hypothèse d'un architecte qui aurait par exemple eu un... Chaque volume aurait eu un rédacteur, mais il y aurait eu un type qui aurait commandé chaque partie et orchestrer la cohérence du cycle. Les problèmes, c'est que quand on veut démontrer la cohérence du projet par son système d'annonce et de rappel, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont préfigurés ou des prophétisés et on les voit après, c'est que toutes les quêtes présagées avant qui se finissent dans la quête, par exemple, on se heurte au fait que la quête est une parenthèse, pour reprendre le terme de Traxler. Nombre de personnages importants de la mort Arthur n'y sont simplement pas mentionnés. Par exemple, Mordred n'est pas mentionné dans la quête, ce qui est quand même un gros problème que l'architecte de la mort du royaume arthurien ne soit pas mentionné. Alors vous avez des prophéties toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, on a un truc prophétique ou qui annonce la suite, et il n'y a rien qui vient annoncer la mort du royaume arthurien. Il y a peut-être un truc qui annonce que les chevaliers vont se disperser, une espèce de vision allégorique, mais c'est tout. C'est très difficile d'expliquer ça si ça a été rédigé par une seule personne et que c'était voulu. De même, la quête n'est quasiment pas mentionnée dans la mort Arthur. Une exception, c'est un discours assez misogyne de Bohort quant à Guenièvre. Là-dessus, c'est un peu l'exception. Par contre, l'aggravant, la fin du Lancelot propre, est truffée de visions prophétiques de la chute du royaume. Donc ça laisse plutôt penser que quelqu'un, justement, a rajouté la dernière partie du Lancelot pour coller avec la mort qui était déjà rédigée. Parce que du coup, vous avez le Lancelot où il n'y avait pas d'annonce, jusqu'à la fin où d'un seul coup, bam, bam, bam, on va présager la suite. Et pareil, vous avez la quête qui n'a pas de présage dedans. Ça laisse penser que, bon, si c'est peut-être voulu, mais ça rend cet argument assez faible. L'aggravin, c'est un peu le seul moment en fait, où l'unité du cycle se fait vraiment sentir, où vous sentez que vous allez avoir un enchaînement entre la chute du royaume arthurien, la quête du Graal et l'histoire de Lancelot, ce qui laisse vraiment penser qu'il a été rédigé à la fin pour tout nouer, quoi. James Douglas Bruce pointait déjà en 1923 que l'ordre de rédaction devait être d'abord le Lancelot propre dans une forme moindre, ensuite la quête, ensuite la mort, ensuite l'histoire d'El Saint Graal, et ensuite la suite vulgate rattachée au Merlin pour le rattacher à ce cycle. Or, si quelqu'un avait voulu suivre le plan démarré par Robert de Boron, je vous rappelle que Boron avait annoncé un cycle qui n'a jamais été vraiment réalisé dans son roman de l'histoire du Graal, bah, il aurait probablement commencé par l'histoire d'El Saint Graal, il aurait probablement commencé par le début. Or, c'est pas ce qui s'est passé, clairement pas, on a énormément d'indices littéraires qui vont dans ce sens, ce qui pose encore problème et pointe vers quelque chose de composite. Par exemple, Frappier refusait d'abord que le Perceval en prose ait inspiré la mort le roi Arthur, alors que c'est plutôt évident. On voit que le Perceval en prose, il y a des éléments du Perceval en prose qui incorporent la tradition de l'histoire des rois de Bretagne, qui vont se retrouver dans la mort le roi Arthur. Frappier le refusait d'abord, et puis plus tard, à la suite de sa carrière, il a dû admettre que bon, effectivement, je me suis trompé là-dessus. Et enfin, voilà, ces auteurs français qui veulent défendre à tout prix l'architecte doivent quand même se nouer dans un coin, s'écrire dans un coin avec ses arguments. Un problème majeur, c'est que dans un énorme nombre de manuscrits, il y a un passage qui annonce le héros du Graal, la personne qui va libérer la Bretagne de ses enchantements en accomplissant la quête du Graal. Peut-être préciser, on est dans la partie qui correspond au Lancelot, là. Oui, exactement. Pas au reste, au Lancelot propre et pas aux autres textes. Exactement. Mais donc, il y a un bon nombre de manuscrits, on lit que c'est Perceval dans 12 manuscrits, ou Perles Vax dans 9 manuscrits, qui accomplit la quête du Graal et qui va libérer... le siège périlleux, mettre fin au temps aventureux de la table ronde, et pas Galad, qui sera finalement le héros du Graal. Galad l'est bien dans le manuscrit de Beaune, dans les BNF 110, 111, 113. Il y a plusieurs qui bafouillent, par exemple, il y a un manuscrit qui dit littéralement « La fille le roi Pélès Méhénié, le oncle Parcevaux », et là, Parcevaux est biffé, et il écrit Galad, parce qu'il se rend compte que « Ah mais non, mais c'est pas Perceval !» Donc il y a même des endroits où le copiste est littéralement en train de bafouiller, parce qu'il sait plus si c'est Perceval ou Galad. Ce qui laisse penser, bah bien sûr, il y a toutes les continuations qui vont à côté, on peut se dire qu'il y a juste un peu de confusion, mais c'est ce qui poussait Oscar Sommer à imaginer le Lancelot d'abord joint à une quest proche du Perles Vos, ou du Perceval en prose, quelque chose comme ça, et... Faut avouer que le Perles Vos s'y prête assez bien, puisque le Perles Vos décrit effectivement une quête du Graal à laquelle participent d'autres chevaliers, dont justement Gauvin, ouais. Dont Lancelot, ce qui est un peu au final ce qui se passe dans la caisse d'El Saint Graal et dans la fin du Lancelot propre. Je pense que notre épisode sur le Perles Vos, on était un peu trop partiaux pour le fait qu'il était là d'abord, alors que je pense qu'en fait il y a quand même un argument assez fort pour dire que le Perles Vos a été rédigé après le Lancelot Graal, surtout qu'il y a très peu de preuves directes de sa primauté. Après, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir regardé le Perles Vos juste après les continuations de Perceval, juste après Perceval, en fait. Ça s'inscrit dans une continuité très forte avec ces éléments-là, plutôt que, je pense, avec le Lancelot Graal en lui-même. Les thèmes abordés dans le Perles Vos sont quand même des thèmes assez particuliers à Perceval. Mmh. Les thèmes de la famille, de rétablir la vengeance familiale. Que Lancelot a aussi, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que ça se retrouve aussi chez Lancelot, mais on se centralise quand même beaucoup plus sur à la fois le Graal sur la fin, mais surtout sur Guenièvre. Ouais. Même si effectivement le cycle narratif, comme on va le voir, ça tourne beaucoup autour de la famille de Lancelot. Mais donc, tous ces problèmes qui font que ça laisse penser que dans l'état primordial des rédacteurs, Galad n'était pas encore le héros du Graal et que ça a été fait en plusieurs couches et que ça a été un peu raccommodé à la DER, c'est tellement embarrassant que Ferdinand Loa était obligé de postuler que l'auteur avait commencé le Lancelot, puis il s'était rendu compte qu'il y avait un problème, il se serait arrêté, il aurait été rédigé l'histoire d'El Saint Graal pour priver Perceval de son statut de héros du Graal, exprès il serait dit « Ah, je vais faire un prologue pour expliquer ça », et ensuite il serait revenu finir le cycle, et ça expliquerait l'incohérence. Donc on arrive à un truc, Ferdinand Loa disait « Je veux pas commencer à parler d'interpolation, parce que sinon ça va devenir très incohérent », mais cette explication qu'il donne me semble quand même assez ahurissante, hein, et pas vraiment soutenue par les preuves qu'on peut avoir. Micha a un autre problème, c'est que il avoue que le regroupement de ces noms, dans son essai sur le cycle du Lancelot Graal en 1987 ou 87, il admet que les groupes de manuscrits qu'il a fait ne s'alignent pas avec les noms des héros du Graal. Donc c'est même pas que dans cette famille de manuscrits, il y a le nom de Perceval, dans cette famille de manuscrits, il y a le nom de Galad, ça croise les familles qu'il a établies sur d'autres critères, ce qui est vraiment un gros problème. Et du coup, il affirme pour s'en tirer, je cite, « Perceval a pris indûment la place de Galahad parce que ce nom aux antécédents prestigieux hante la mémoire des copistes ou de celui qui est à l'origine de cette substitution qui a légué sa tare à une descendance. Perceval slash Perles Vos sont des noms qu'on ne parvient pas facilement à éliminer, ils viennent quasi automatiquement au bout d'une plume. » Perceval, c'est dans l'inconscient jungien des copistes médiévaux, en fait. L'inconscient du Selbst qui revient dans la continuité du... Perselval, effectivement. Perselval. Pour bien signifier le problème auquel Micha fait face, quand on fait un manuscrit, quand on édite un manuscrit, on s'arrange généralement pour comprendre également comment ce manuscrit qu'on va éditer va se relier à d'autres manuscrits. Et on fait des familles de manuscrits en essayant de revenir à un manuscrit hypothétique qui est le manuscrit source, qu'on appelle le manuscrit alpha souvent, et on va essayer de rassembler les manuscrits entre eux pour dire tel manuscrit et tel manuscrit ont tels éléments qui nous permettent de leur dire, par exemple telle phrasée dans les mots, mais telle autre différence qui permet de nous dire ces deux manuscrits sont intervenus au même stade dans l'évolution, ils ont les deux issus d'un manuscrit parent ils ont divergé là, par contre tel manuscrit dérive d'un de ces deux manuscrits mais pas de l'autre. Et on fait des familles comme ça, des grandes familles de manuscrits, comme un arbre généalogique en fait, de ces manuscrits. Et le problème, c'est que si un élément aussi capital que celui-ci intervient dans autant de familles de manuscrits différentes, mais pas de façon purement alignée, bah, ça veut dire que soit ces familles sont peut-être fausses, ouais, et qu'on a des, ce qui serait un problème pour on a une, meilleure, une mauvaise compréhension, soit alors que cet élément reflète le fait que ça, c'était un truc qui pouvait changer d'une famille à l'autre, et que la question de savoir qui était le héros du Graal était beaucoup plus... disons souple et beaucoup moins défini qu'on peut le penser. Là c'est son argument, c'est que les copistes ont probablement se disaient ah c'est qui le héros du Graal, ah oui c'est Perceval, puis ils l'ont écrit automatiquement, mais c'est un peu bon, c'est un problème. Il y a un dernier élément qui est un peu plus récent, enfin récent, ça va bientôt faire 40 ans, mais voilà, on a depuis longtemps postulé qu'il y avait une version primitive du Lancelot qui était probablement plus courte et qui se finissait avec la mort de Galeot. L'hypothèse ne convainquait pas Micha en 1961 quand il faisait son examen, c'est-à-dire qu'il a fait cette grande édition du Lancelot, grande édition critique assez intéressante, où il faisait des articles préparatoires où il listait un peu tous les manuscrits qu'il avait pu regarder. Il disait qu'il n'était pas convaincu par cette idée, mais plus récemment, Elspeth Kennedy, qui est décédée en 2006, a postulé en 1980 une version non cyclique de Lancelot d'Aulac au XIIIe siècle, qu'elle a publiée en deux volumes. Elle l'a retrouvée, elle a essayé de la reconstituer à partir des manuscrits BNF 768 et BNF, et surtout le Rouen 06 Pierre Pont-Morgan, le Florence Laurent 89, et en partie le BNF 339, qui à la fin se raccorde à la Vulgate. Un an après son Lancelot and the Grail, Micha écrit qu'elle y défend cette thèse non sans habileté, toujours dans ses écrits sur le Lancelot Graal, mais il continue à défendre l'unité du Lancelot propre parce que ben, bien sûr voilà. Tu sens le grand et respecté académicien français, enfin académicien, ouais. N'était pas académicien mais dans le sens anglophone, universitaire français, qui a un peu de mal avec la jeune entre guillemets. Universitaire américaine qui vient marcher sur ses pattes bandes. Elle a à peu près le même âge que lui, oui, je crois. Sais, ils sont décédés à peu près en même temps d'ailleurs. Mais elle était un peu plus jeune, il me semble, que lui. Mais effectivement, son édition est devenue une édition de référence en fait. Elle a presque déplacé celle de Micha, alors que pourtant celle de Micha n'est pas spécialement. C'est ça, l'édition Lettres Gothiques s'est beaucoup appuyée justement sur cette thèse de Kennedy. C'est quelque chose qui a été accepté. Peut-être d'ailleurs pas avec assez de recul, mais c'est quelque chose qui a été généralement accepté dans les discussions, c'est-à-dire l'édition de la Pléiade le mentionne, tous les manuels sur le sujet le mentionnent, elle a défendu ça avec énormément d'habileté et de... Je pense que sur beaucoup de points, elle doit avoir raison, même si peut-être on a... C'est fort probable que ce soit remis en perspective dans les années ou les décennies à venir, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit pas le dernier mot là-dessus. Mais Micha continue à dire que le simple fait que Lancelot reçoive le nom de Galahad dès le début du Lancelot propre prouve l'unité du cycle. Pour lui, des arguments comme ça suffisent à prouver ça. Et moi, je suis pas spécialiste du tout, mais je trouve que ça reste quand même très artificiel et puis s'accroche un peu à sa théorie. On n'a pas de manuscrit du Lancelot propre seul, en fait. Oui. Et du coup, ça paraît un argument un peu idiot. Si on avait un manuscrit du Lancelot propre qui circulait tout seul et là où Lancelot était Galahad, pourquoi pas ? Mais là, il n'y a rien qui nous dit qu'on n'a pas des manuscrits perdus, justement, ou des textes perdus, où cette interpolation, justement, cette hypothétique interpolation n'intervenait pas. Donc, ça me semble être un argument assez faible de la part de Micha, celui-ci. Micha aussi est très poétique pour défendre son hypothèse, qui n'est peut-être pas bon signe, mais il dit par exemple qu'il maintient la possibilité qu'il y ait plusieurs auteurs, même s'il dit que ce n'est pas excessivement crucial, parce que je pense qu'il a raison. C'est vrai que si on ne peut rien dire sur l'auteur, ça ne nous sert pas à grand-chose de dire qu'il y en a plusieurs. Et il dit que c'est un peu... Il dit que la comparaison à une cathédrale par Frappier, notamment, n'est peut-être pas idéale, parce que dans l'œuvre littéraire, le même homme qui a conçu le devis est aussi celui qui exécute l'ouvrage, fin de citation. Il faudrait plutôt parler de composition musicale, et il dit ainsi: le Lancelot a des tempi divers, l'aggravin est plus heurté dans son rythme, la quest est un andante, la mort est un presto qui se termine dans les dernières mesures par un rallentando. Donc il utilise un vocabulaire musical pour comparer les différences de style en fait, et pour parler de cette unité de l'œuvre finalement. Mais malgré les différences tonales, oui, on peut imaginer effectivement une symphonie, mais je trouve quand même peut-être un peu abusif. L'idée de la cathédrale me parle un petit peu, parce que justement les cathédrales médiévales sont pas des œuvres avec un architecte unique, même s'il y a quelqu'un qui a pu le concevoir. Ouais. Elles évoluent avec le temps, on lui rajoute des pièces. N'importe quoi. Ah bah. Enfin, sans être méchant, c'est un peu cette idée de l'architecte qui fait son plan qui est suivi sur un millénaire. Je sais pas si c'est quelque chose. Justement, c'est une idée. Je pense que cette idée de la cathédrale est bonne en dépit d'elle-même. Accidentellement. Il faut regarder des cathédrales comme celle, la cathédrale d'York, par exemple, en Angleterre, qui évolue depuis une cathédrale anglo-normande jusqu'à une cathédrale gothique perpendiculaire, des joyaux du gothique perpendiculaire. Bah, c'est une cathédrale qui a été construite sur très longtemps. Notre-Dame de Paris a mis du temps à être construite. La cathédrale de Lausanne aussi, par exemple, est tuée. De cette manière, Mallory est un peu le Viollet-le-Duc qui a débarqué et puis qui a... Allez, si temporellement, ce serait plutôt Tennyson, Viollet-le-Duc, mais... Il y aurait, je pense... Mais il y a quelque chose de ça, à part ça. Ouais, c'est vrai que c'est accidentellement bien. Je pense qu'un dernier argument qui est très artificiel, qui est mentionné par Bruce, puis après on va enchaîner, parce que c'est quand même un débat compliqué, mais le cycle est extrêmement long. Vous l'avez remarqué, la Pléiade, ça fait 3 volumes de 2000 pages. C'est bilingue, donc vous avez les deux, mais, et vous avez des notes, mais c'est extrêmement long. Sa longueur ne sera pas vraiment dépassée avant... peut-être le Perse Forest est plus long. Il y a des œuvres plus longues, mais disons, c'est extrêmement singulier d'avoir une œuvre aussi longue. Surtout que si vous regardez la chronologie, basiquement comme roman en prose arthurien, ou même roman en prose en général, vous avez quoi ? Vous avez le Merlin en prose, qui est probablement le premier, le Joseph et le Perceval en prose qui sont liés, peut-être le Père Lesvos, très suspect, mais peut-être, et immédiatement après, vous auriez la Vulgate, rédigée par un seul type. Ça paraît quand même assez difficile de se dire, parce que justement, à ce moment-là, l'argument de « il y a des rappels et des renvois, il y a une construction très astucieuse de l'œuvre », ça devient difficile de dire « c'est le troisième roman qu'on a écrit en prose française, et puis, dès le départ, on avait cette maîtrise-là ». Ça devient un problème de dire « ça s'est fait en une seule fois, et ça s'est fait en une... » surtout que c'est des arguments qui sont toujours très relatifs. Effectivement, mais... par contre, ça pourrait supporter le fait que ce soit un seul auteur de génie qui ait fait le tout... et qui est quasiment inventé le genre à lui tout seul. Ouais. Si on postule l'existence de plusieurs copistes et de plusieurs rédacteurs, c'est moins probable. Par contre, si on y voit un auteur seul, c'est plus concevable, disons. Mais je pense que celui qui avait raison dès le départ, c'était James Douglas Bruce, je crois, en tout cas Bruce, qui en 1923 disait déjà que c'était probablement pas possible que ce soit un auteur ou même des auteurs qui se concertent, et comme c'était imaginé par Michel Houphrapier, et il comparait ça plutôt à d'autres chansons de gestes, comme celle de Guillaume d'Orange, c'est-à-dire des scripts qui interpolent progressivement des histoires, certaines qui sont retenues, certaines pas, et qui deviennent de plus en plus cohérentes au fil du temps, ce qui est finalement le fonctionnement global de la légende arthurienne. Je sais pas pourquoi il y a cette espèce de... Enfin si, je sais pourquoi il y a cette espèce de pôle français qui a des opinions très arrêtées sur le sujet, mais c'est le fonctionnement global de la légende arthurienne, et il faudrait, à mon avis, pas s'attendre à autre chose de ce côté-là. De la littérature arthurienne et de la littérature médiévale en général, en fait. Donc, et il faut juste dire encore un truc. On a beaucoup dit qu'on savait pas grand-chose sur l'auteur. On peut quand même mentionner qu'il est probablement champenois, il vient probablement de Champagne, parce qu'il mentionne régulièrement la fête de la Madeleine. Non, on parle du Lancelot propre spécifiquement, hein, de nouveau. Ou bien de toutes les œuvres en général. Les deux questions sont liées, en fait. Mais généralement, la question de la. Si le cycle est composite, généralement, on admet que l'aggravin est rajouté après, donc que le Lancelot propre est composite, en fait. Mm-hmm. Donc, généralement, il y a peu de gens qui vont admettre que. Mais il y a quand même un pôle champenois, tu dirais, en tout cas dans le... Alors oui, il y a des mentions... Dans le Lancelot propre, vous avez beaucoup la fête de la Madeleine, et probablement pour les autres aussi. Ils doivent venir, les auteurs un peu tous, du même milieu champenois. C'est du moins ce que révèlent des indices un peu circonstanciels. Mais la fête de la Madeleine est un assez bon relais, parce qu'il serait pas... Il y a très peu d'autres endroits en France où on la mentionnerait autant, quoi. Et maintenant, on va parler de notre passage préféré, les éditions. Sous quelle forme matérielle pouvez-vous lire ce monstre aujourd'hui ? Alors d'abord, les éditions de tout le cycle. La classique, c'était celle de Sommer au début du XXe siècle. Il les a publiées, c'est juste le texte en vieux français. Dans les marges, vous avez des descriptions en anglais de ce qui se passe. Donc c'est encore assez lisible, si vous pouvez vous débrouiller pour l'utiliser. Mais généralement, le manuscrit est reconnu comme fautif, donc c'est peut-être pas terrible, mais vous pouvez les trouver gratuitement en ligne. La vraie seule édition intégrale en français qui existe maintenant, c'est celle de la Pléiade, qui s'appelle Le Livre du Graal, qui a été édité par Walter et Poirion de 2001 à 2009 en 3 volumes de 2000 pages. Oui, vous voyez là, vous avez entendu hein, le bruit des volumes sur mon bureau, ouais, c'est... mal isolé. Ça pèse son poids. Ça coûte cher aussi. Je veux dire, nous là, on les a empruntés dans une bibliothèque. Peut-être un jour, je les achèterai parce qu'ils sont quand même très jolis. Comme j'ai déjà dit pour les livres de la Pléiade plusieurs fois, le poids. Hein, Mon format préféré pour la Pléiade, c'est des photocopies de la Pléiade parce que c'est légèrement plus solide, même si c'est pas très réglo sur le plan du droit d'auteur. Mais donc, c'est la seule édition bilingue, donc vous avez le texte et la traduction, c'est le manuscrit de Beaune. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu deux attitudes pour l'édition. C'est soit vous allez prendre, composer un truc à partir des différents manuscrits, c'est ce que Micha a fait pour son Merlin ou pour le Lancelot. Le Lancelot, en fait, qu'il a édité en 8 volumes, il l'a édité à partir de 3 manuscrits différents. Donc, vous rajoutez son Merlin, ça veut dire que finalement, la version que vous lisez, il y a personne au Moyen-Âge qui l'a lu comme ça. Et du coup, il y a une autre école d'interprétation qui serait Sommer, par exemple. Bon, ça, c'est parce que c'était pratique pour lui. Mais il a pris le manuscrit 10292 à la British Library. Il l'a édité. Et Walter et Parion ont décidé, OK, on va éditer un seul manuscrit il y a 5 manuscrits qui contiennent tout le cycle. Ils ont pris celui de Bone, parce qu'ils disent c'est le meilleur, et ils ont édité ce manuscrit-là en le corrigeant le moins possible. Ils ont quand même dû parfois l'amender, mais ils ont édité un manuscrit de A à Z. Il a été traduit par une dizaine d'individus, mais donc vous n'avez pas le même travail de... On ne va pas faire un patchwork de tous les manuscrits, parce que si vous prenez tous les extraits, les fragments, etc., vous avez plus de 200 manuscrits pour l'ensemble du cycle. Pour reprendre notre terminologie pour nos fans, c'est l'école néo-bédiériste pour la Pléiade et la méthode larmanienne pour Misha, plutôt, dans ce cas. Voilà, Misha, c'est l'édition de référence du Lancelot, édition, donc pas traduction. Il en a aussi, on va y venir dans un instant, il a aussi publié justement une traduction abrégée de son œuvre que je vous mentionne maintenant. C'est à la collection bizarre des éditions 10-18, où on avait déjà parlé de l'édition de Serkie Glinic qu'ils ont fait pour son manuscrit de Modène, le roman du Graal, je crois qu'il l'avait appelé. Mais en fait, j'ai compris pourquoi ils les faisaient, parce qu'à l'époque, les lettres gothiques n'existaient pas quand tous ces titres sont sortis. En fait, c'était seuls à faire des éditions populaires de textes médiévaux. Alors, je tiens à dire que c'est pas mauvais. Et franchement, l'édition Micha se défend. C'est mieux que l'édition Serkie Glinic, disons, c'est plus lisible. Quoi, oui, c'est une traduction, il n'y a pas le texte original, il y a très peu de notes, et on a abrégé des coins pour que ça tienne en deux volumes. Livre de poche, c'est vraiment très bien. Je pense qu'il pourrait la rééditer aujourd'hui, même peut-être en un volume. Par contre, le gros problème, c'est la qualité matérielle des livres. C'est le gros problème du livre de poche qui tombe en morceaux, parce que maintenant, ils vont avoir une quarantaine d'années. Forcément, dès qu'ils ont subi une ou deux lectures, ils commencent à tomber en morceaux. Là, j'ai dû recoller le deuxième volume, ce qui n'est pas un super succès, mais pour l'instant, il tient la route. Et aussi, l'édition est un peu catastrophique. Genre, le premier s'appelle Lancelot, roman du XIIIe siècle. Le deuxième s'appelle juste Lancelot 2. Avec un 2 en chiffre arabe, ce qui est pas très clair. Je sais pas combien. Je pense énormément de gens ont dû les acheter en croyant que c'était le chevalier de la charrette, parce que c'est pas vraiment clair. Le titre, c'est un peu une malédiction, les problèmes de titre là-dedans. Et aussi, la police n'est pas de la même taille entre les deux, et ça m'énerve énormément. C'est pas un problème, parce que voilà, vous arrivez à le lire, mais sur le plan de la pure édition, ça se voit que ça a été édité un peu par-dessus la jambe. Par-dessus la jambe, et voilà. Les problèmes de titre, d'ailleurs, Walter et Poirion se sont dit « Ah, on va les publier et on va l'appeler le livre du Graal parce que c'est le nom qui est dans les manuscrits. » Et vous connaissez ce syndrome où, effectivement, il y a 15 noms différents pour un truc, Lancelot Graal, Lancelot en prose, Vulgate, et vous dites « Je vais résoudre le problème en prenant un nouveau nom qui est plus proche de la tradition originale. » Super, maintenant, il y a un nom de plus. C'est encore plus confusant pour les joueurs qui veulent se lancer dedans, parce que maintenant vous avez le livre du Graal, le roman du Graal ce sera la post-vulgate, je crois que celui de Serkie Glinic ça peut aussi lire le quelque chose du Graal, donc voilà, ça c'est de moins en moins c'est un peu compliqué, hein. Le jeu, faut préciser aussi que à ce jeu là les anglophones sont quand même un peu meilleurs. Il n'y a pas d'édition, il doit y avoir une édition complète, ça doit se trouver une édition complète du Lancelot Graal. Je crois pas qu'il y en a en anglais. Oui, Lancelot Graal, The Old French Arthurian Vulgate and Post-Vulgate in Translation. Alors en traduction, mais est-ce qu'il y a une édition anglophone en dehors du Lancelot d'Elspeth Kennedy, du volume complet? Je crois pas. Hein. Ah, juste du Lancelot? Non, j'entendais de tout le cycle. Je crois pas qu'il y en a. Il y a la traduction de Norris G. Lacey. Mais c'est la seule traduction, mais il n'y a pas d'édition anglophone, disons, à part celle de Sommaire. Je crois pas, non. Et celle de Norris G. Lacey, qui est une œuvre collective, hein, il y a beaucoup de traducteurs qui ont participé, édite du coup la version complète, vous avez tout, et les versions post-vulgate aussi dans les mêmes volumes. Donc ça prend 5 assez larges volumes. Après, vous le lisez en anglais, vous n'avez pas le texte en français. Il se base beaucoup sur Misha pour le Lancelot, je crois. Après, pour le reste, je suis moins sûr de leurs éditions, mais c'est une bonne référence. Après, vous ne les achetez pas parce que ça coûte un bras. Hein. C'est un peu dans le même style que les éditions, vous savez, qu'on vous a recommandées pour le livre de Modène, justement, pour les manuscrits de Robert de Boron, pour les continuations de Perceval aussi. Toute cette série qui est bien pratique. Là, pour le coup, vous avez une édition complète. En anglais, je crois qu'effectivement, c'est 5 volumes, ça a été publié dans les années 90. C'est un assez grand format. Hein, donc vous le trouvez en bibliothèque, achetez-les pas, ce souci. Ouais. Mais voilà, c'est, si vous voulez une édition complète, c'est Poirion ou c'est ça, quoi. Si vous n'avez pas l'utilité de Sommaire, donc soit c'est en français, c'est la Pléiade, soit c'est en anglais et c'est des gros volumes peu maniables. Pour le Lancelot même, il y a l'édition traduite par Misha, qui est quand même assez intéressante. Donc c'est l'édition de Misha qui a quand même des problèmes, mais voilà, traduite avec des abréviations. Et j'ai été voir les passages qui ont été abrégés, et à chaque fois je me suis dit, effectivement, de toute façon, on n'aurait pas eu le temps d'en parler dans l'émission, donc c'est plutôt bien fait, ça centre vraiment l'histoire sur celle de Lancelot et Guenièvre, en enlevant un peu le côté un peu Benny Hill où tout le monde se croit après et libère tout le monde en se faisant capturer. Vous avez d'autres éditions, c'est une autre traduction de l'édition Misha, c'est la traduction par Micheline de Combarieux du Gré, qui est disponible en ligne, qui a, en fait, elle a traduit plus ou moins littéralement l'édition de Misha, elle admet elle-même qu'il y a des passages qui font pas forcément sens parce qu'elle a pas forcément justement réfléchi au contexte de l'histoire, etc. C'est une version de travail que vous pouvez trouver sur internet. Et vous avez aussi la version de la caisse et de la mort de l'Arthur, voilà. Aussi avec un donc de du cycle dans son ensemble, en tout cas du Lancelot en prose dans son ensemble. Elle a traduit en fait les trois éditions françaises de référence, la quête par Pauphilet, la mort par Frappier et le Lancelot par Misha, ce qui est franchement une œuvre d'utilité publique. Et donc c'est une version de travail que vous pouvez avoir gratuitement. Donc si vous voulez la version de Misha, vous avez ces deux manières. Celle qu'il a publiée justement en 2018 se trouve généralement d'occasion. Moi je les ai trouvées du coup pour 2 francs, ça demande un peu de chercher, mais vous pouvez les trouver pour quelques centimes. Il y a des éditions plus bizarres. Il y a les romans de la table ronde, nouvellement rédigés par Jacques Boulanger, qui sont en fait une réécriture du cycle. Donc c'est le cycle du Lancelot Graal, mais réécrit, donc vous avez quand même quelques différences. Ce qui est assez intéressant, disons, vous avez par exemple, je crois, l'histoire du Graal n'est pas vraiment là, elle est là sous forme de flashback raconté par Merlin, ce qui est plutôt astucieux en fait. Mais c'est une version un peu altérée. Et vous avez en anglais The Lancelot Grail Reader, qui est en fait des extraits. Donc c'est un peu plus, si vous voulez lire... en anglais, une version un peu un petit florilège, ça existe aussi. C'est surtout fait pour être, je pense, donné par des professeurs comme livre de lecture pour leurs étudiants en bachelor ou en master qui n'ont pas envie d'investir dans un grand volume du Lancelot Graal. Et pour les versions de travail, là, qui sont une édition intégrale et récente et de poche et un peu plus accessible que la Pléiade, vous avez bien sûr nos amis les Lettres Gothiques qui ont publié en 5 volumes le Lancelot. Ce qui a abouti, comme on l'a dit, sont appuyés en fait sur l'édition de Kennedy. Donc voilà, si vous êtes un des grands défenseurs idéologiquement de Misha ou de Frappier ou de cette école française, ça risque de vous faire un petit peu mal au cœur de lire ça. Mais donc c'est partagé en 5 volumes sur l'enfance de Lancelot du Lac. Vous avez un deuxième volume qui est consacré à la suite de ses aventures en fait, qui va je crois jusqu'à le triomphe, les triomphes d'Arthur contre d'Arthur et Lancelot contre les Saxons. Vous avez La Fausse Guenièvre, qui est un épisode assez marquant où justement il y a une usurpatrice. Et le quatrième, c'est Le Val des Amants Infidèles où Morgan fait prisonnier Lancelot. Et finalement, le cinquième volume qui comprend basiquement soit la charrette mêlée à Gand, l'enlèvement de Guenièvre et puis fin avec l'aggravin. Beaucoup d'action avec ce qu'on appelle l'aggravin ou la préparation à la quête qui est généralement considérée comme une partie un peu hétérogène. Donc, ça, les Lettres Gothiques en 5 volumes bilingues, donc avec en vis-à-vis sur une page et l'autre, vous avez le texte original et la traduction. C'est la version de travail un peu la plus répandue, je pense que vous trouvez, la plus accessible. Après, acheter les 5 volumes, ça vous fait quand même un petit pécule. Si vous devez ajouter ensuite leur édition de la caisse et leur édition de la mort du roi Arthur, ça vous ajoute encore un petit peu. Ouais. Mais ça se trouve en bibliothèque. Puis c'est plus facile à manier, je trouve, que même si elles sont un peu moins pratiques, on les a côte à côte là sur la table. La version, les 3 volumes de la Pléiade qui comprend tout le Lancelot Graal prennent moins de place et moins de poids que la version du Lancelot qui contient juste les 5 volumes du Lancelot. Quoi. Oui. Donc l'édition de la Pléiade, si vous l'empruntez à la bibliothèque, vous avez un volume et puis vous en avez pour un petit moment, alors qu'avec le Lancelot, il va falloir changer de volume assez régulièrement. Quoi. J'espère que votre bibliothèque prête les livres pendant longtemps, hein, si vous empruntez un volume de la Pléiade, parce que si voilà. Vous voulez lire de bout en bout. Et donc encore une fois, si vous voulez lire le tout dans une édition la plus cohérente, je pense quand même que recommander la Pléiade, c'est le mieux, parce que déjà, vous avez une édition d'un manuscrit donné, même s'il est complété par d'autres pour les corrections. Alors que toutes les éditions des Lettres Gothiques sont un petit peu différentes. Ils se basent sur le manuscrit tel qu'il est édité par Elspeth Kennedy pour la première partie. C'est très composite en fait l'édition de là. On n'est pas dans les détails. Les premiers volumes en gros qui vont jusqu'à la mort de Gallo, ouais. Je crois. Les 3 premiers volumes, c'est largement basé sur Kennedy. Et après, on va dans d'autres sources un petit peu. Et puis surtout, ils n'ont pas d'édition du Merlin ou de l'histoire du Saint Graal dans les Lettres Gothiques encore. Pour la suite Vulgate, par exemple, elle est éditée que, je crois, dans la Pléiade. Il y a Traxler à Zurich qui bat du tambour depuis maintenant 20 ans pour avoir une nouvelle édition de la suite Vulgate, une édition critique, et il a ça en projet depuis longtemps. Mais disons, c'est pas l'œuvre la plus cruciale de la légende arthurienne, ni la plus passionnante, donc je sais pas si ça va se faire. Même l'histoire d'El Saint Graal a eu une édition critique, même pas traduction ou quoi, qu'en 1991. Et même là, ça a pas fait beaucoup de vagues. Hein. C'est pas des œuvres si marquantes que ça. On en parlera peut-être un peu quand on fera l'épisode là-dessus. Mais... Donc voilà, si vous voulez lire les prémices cycliques, on en parlera un peu quand on parlera de l'histoire. On parlera pas beaucoup du Merlin parce que c'est surtout les suites qui sont intéressantes. Mais si vous voulez vraiment avoir les versions cycliques de ces romans, vous pouvez les lire dans la Pléiade. C'est, je pense, la meilleure référence pour ça. Mais ça reste un peu. Encore que. Ça reste un pied aller, je trouve, parce que la Pléiade, c'est pas la meilleure édition. C'est très lisible, par contre, c'est pas, ouais. du, c'est pas de les pages... vous savez, les Pléiades, quand ils se traduisent dans l'ancien français, vous avez le texte original en bas, en fait, en plus petit, et le texte en gros, qui ouais. est le texte traduit. Donc c'est pratique à lire, mais c'est moins pratique si vous voulez faire vraiment du travail universitaire dessus, quoi. Donc ça reste un pied à aller, je trouve, malheureusement. Ouais. Mais c'est quand même une œuvre assez compliquée. Je pense qu'il y a même pas véritablement, je pense qu'on n'est même pas encore véritablement à un endroit où on a un consensus dessus. De toute façon, vu la tradition manuscrite, je sais pas si on y arrivera un jour. On peut encore mentionner le site du Lancelot Grail Project, qui est un projet qui essayait de parler surtout des illustrations du Lancelot Grail, qui malheureusement, à cause de problèmes de copyright de la British Library, a dû enlever certaines images de son site, mais il essayait de comparer, disons, les traditions d'illustration de ses manuscrits. Il a quelques pages assez intéressantes sur les manuscrits, quelques résumés, quelques éditions des textes. Vous avez la liste la plus complète des manuscrits, parce qu'elle est un peu plus complète, plus compliquée à trouver. Par exemple, si vous utilisez Arlima, qu'on a beaucoup utilisé, c'est plus compliqué parce que chaque... Il n'y a pas de fiche unique sur Arlima pour le Lancelot Graal, il me semble, qui détient tout le manuscrit. Je crois qu'il y a même des parties du cycle, je crois. Genre il y a même la suite Vulgate, je crois, pas vraiment de... Enfin, il y a 2-3 pages qui manqueraient pour avoir sur Arlima. Et l'intérêt de la version du Lancelot Graal Project, donc l'adresse c'est www.lancelot-project.pit.edu. Et là-dessus, vous trouvez en fait l'intérêt, cette liste complète des manuscrits va vous dire la date de chaque manuscrit, probablement, enfin, estimée, le lieu d'écriture du manuscrit, la bibliothèque et où vous le trouvez, et s'il est en ligne, une version en ligne, et les illustrations, mais surtout, elle va introduire le nombre, quels récits sont dans chaque manuscrit. Donc vous pouvez voir, par exemple, très vite que certaines sont des versions abrégées d'autres histoires, dans certains, vous ne trouvez qu'une seule des deux versions, dans d'autres, vous trouvez d'autres ajouts, comme par exemple le Dido Perceval, vous voyez des manuscrits où vous n'avez que certaines parties du Lancelot, qui est souvent divisé effectivement en plusieurs... en plusieurs parties, en fonction en ces 5 parties générales. Alors ça dépend des découpes, hein. La découpe des lettres gothiques, par exemple, n'est pas la même que celle usuellement utilisée par les chercheurs. Ça serait trop facile. Ouais, parce que on va en parler quand on parlera du Lancelot après, mais les 5 divisions du Lancelot sont généralement celle qui décrit l'enfance de Lancelot, le récit autour de Galeot, le récit de la charrette autour de l'enlèvement de Guenièvre, sa suite et finalement l'aggravin, donc la préparation à la quête et puis les prémices justement de cette quête, alors que les lettres gothiques compriment toute la fin en un seul volume et font des parties au milieu, deux volumes plus fins autour de l'enlèvement de Guenièvre et puis de la fausse Guenièvre. Donc ça dépend beaucoup en fait des éditions, donc, du Val des Amants Infidèles et de la fausse Guenièvre, voilà, c'est ça, c'est les éléments centraux du récit, et ils sont sous un format plus petit dans la version des lettres gothiques. Mais donc c'est très prise de tête, cette espèce de différence entre les manuscrits, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu avec cette ampleur jusque-là, je pense. On va pas vous lister les manuscrits, pas comme le Perceval, on peut encore vous lister les manuscrits, c'est un des textes qui circule le plus au Moyen-Âge, donc c'est inévitable. Ça couvre une période qui va autour de 1220 jusqu'à 1500, les manuscrits les plus récents sur papier, on va au 15e siècle, voire même au début du 16e siècle. Je vous donne juste il y a eu des éditions imprimées aussi, on va pas rentrer là-dedans, mais il y a aussi eu quelques éditions imprimées qui ont eu pas mal de succès de l'œuvre dès que l'imprimerie est arrivée. Je donne un exemple de différence entre manuscrits. Bon, déjà, il y a les rédactions courtes et les rédactions longues. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais... Mais il y a des versions plus ou moins longues, effectivement, en tout cas du Lancelot. Et l'opinion dominante, c'était que les versions courtes étaient les premières, mais aujourd'hui, on tend plutôt à penser que c'est les longues qui étaient d'abord et que c'est une abréviation. Mais je donne un exemple, c'est que quand Lancelot défend Guenièvre, elle est accusée d'être... c'est l'épisode de la fausse Guenièvre, justement. Elle est accusée en Carmélide de pas être la vraie Guenièvre. Et il doit la défendre contre 3 chevaliers de Carmélide. J'avais lu un article assez intéressant sur l'épée du roi Arthur, sur Excalibur, qui mentionnait que c'est avec Excalibur, l'épée du roi Arthur, qui lui est transmise par Gauvin, que Lancelot va la défendre. Et c'est effectivement le cas dans l'édition de la Pléiade du manuscrit de Beaune. C'est avec Excalibur que Lancelot défend Guenièvre. Donc il y a ces espèces de... Et du coup, on peut faire un petit laïus dessus, on va dire, voilà, Gauvin, le neveu d'Arthur, représente à ce moment où Arthur échoue, parce que Arthur est ensorcelé, il représente le royaume, la régence, et puis il transmet son épée à Lancelot, qui là peut défendre Guenièvre et sauver l'honneur du royaume alors que tous les chevaliers sont en train de s'insurger. Mais sauf que si vous lisez l'édition de Micha, on nous dit que c'est Galeot qui lui saignit sa propre épée en le priant de la porter pour l'amour de lui, et Lancelot promit de le faire. Donc là on a une version très différente où c'est pas avec l'épée de Gauvin qu'Arthur lui a prêté que Lancelot va défendre Guenièvre, mais avec l'épée de Galeot. Et donc on a justement cette fonction de Galeot comme le miroir d'Arthur et qui fait ce que Arthur ne peut pas faire. Il va notamment héberger Guenièvre pendant son espèce de bannissement. Et en plus, cette épée va se retrouver dans la suite du récit, c'est-à-dire qu'il va la transmettre après la mort de Galeo. Lancelot la fait transmettre à Bohort, et plus tard, il reconnaît Bohort quand il se bat avec lui. Parce qu'il reconnaît l'épée en fait, parce que Bohort est incognito, mais il reconnaît l'épée. Et du coup, il y a dans certains manuscrits où il va dire ah, c'est juste l'épée de Galeo que je lui ai transmise après la mort de Galeo. Et une autre lui dit c'est l'épée de Galeo avec laquelle j'ai défendu Guenièvre. Donc vous avez quand même des renvois et de la symbolique et des trucs pas forcément négligeables. Hein, quelle épée est-ce que Lancelot va utiliser, qui vont changer d'une famille de manuscrits à l'autre. Et donc il faut faire attention à ça. Mais c'est vrai que ces éditions, l'édition de la Pléiade est vraiment devenue un peu l'édition de référence. Donc il faut peut-être un peu se méfier. Voilà, je propose qu'on fasse une pause musicale avant de commencer. Avant de rentrer dans le vif du sujet. Avant d'entrer dans un très bref résumé du Lancelot, je vous préviens qu'on ne va pas du tout pouvoir être aussi détaillé qu'on l'est d'habitude, ça n'aurait aucun sens. C'est une lecture, c'est vraiment pas le truc qu'il faut lire en premier pour entrer dans la littérature arthurienne. Je veux dire, c'est vraiment, sans être élitiste ou quoi, il faut le vouloir pour réussir à aller au travers du Lancelot. Et je pense que, d'ailleurs, c'est on en parle un peu hein, de façon terrifiée, terrifiante. Non, il n'est pas... Je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est un texte qui est compliqué à lire, qui est long, qui peut être assez pénible à lire, franchement. Hein. Je pense que c'est pas nécessairement le premier terme qui viendra à l'esprit, mais quand, à force de le lire, c'est vrai que c'est par moments, ça devient un peu un calvaire. certains passages sont longs, n'ont pas de rapport avec le reste de l'histoire. Beaucoup d'aventures par les côtés. C'est pas comme Chrétien où vous sentez que même s'il y a une petite aventure détournée, elle aura un sens plus tard. Là, c'est vraiment parfois des apartés, dans les continuations de Perceval. Ça, c'est vraiment en prose qu'on peut allonger jusqu'à la fin. Je pense que l'édition de Micha abrégée, c'est celle que je conseillerais pour, si vous voulez, une lecture la plus légère possible. Vous n'avez pas toute l'expérience, mais justement, du coup, vous avez un peu que l'essentiel. Mais ceci étant dit, un peu de repos déjà pour vos oreilles à l'instant et on vous retrouve tout de suite après. Et nous sommes de retour pour commencer à vous parler de l'histoire du dit Lancelot propre qui raconte l'histoire de Lancelot, le fait qu'il grandisse pour devenir un bon chevalier, puis suit son histoire d'amour avec Guenièvre progressivement, jusqu'à ce que des événements bizarres commencent à présager, disons, la quête du Graal et la suite du cycle. La grande innovation de ce cycle, en fait, c'est que le héros du Graal n'est plus Perceval, c'est Galahad, c'est le fils de Lancelot, et il y a vraiment une mise en miroir de Lancelot comme faillible à cause de son histoire d'amour, qui est relativement, disons, pas autant qu'on l'attendrait, c'est-à-dire qu'une version moderne, on soulignerait beaucoup plus la faillite morale, etc., mais qui est vu comme un échec, qui l'empêchera plus tard d'atteindre le Graal, et qui est mise en regard de son fils qui est parfait. Et une dernière chose, Galahad, il faut rappeler que c'est un nom biblique, qui est le nom d'un endroit dans l'Ancien Testament, mais qui est Gilead. Gilead, qui est aussi le nom de... Si vous regardez le fameux épisode du Shibboleth, par exemple... où il y a des gens qui sont massacrés parce qu'ils prononcent Shibboleth, vous avez un personnage qui s'appelle Galahad à ce moment-là. Il y a plusieurs personnages bibliques qui s'appellent Galahad. qui donc le nom est repris, il est donné à Galahad et aussi à Lancelot, dont on nous dit que c'est son nom de naissance. Il faut peut-être préciser que la structure du Lancelot propre est, disons, divisible en plusieurs, donc on en a dit, hein, en plusieurs chapitres, et il faut peut-être les résumer peut-être dans l'ensemble avant tout. Et ça commence généralement par un chapitre qu'on intitule souvent « On la marche de Gaulle » parce que c'est les premières lignes du chapitre, en fait, qui raconte l'enfance de Lancelot, qui raconte en fait d'où il vient, dans quel contexte il naît et dans quel contexte il est recueilli par la Dame du Lac. Son royaume est mis à feu et à sang par un roi concurrent et lui et ses cousins sont privés de leur trône et ils sont en captivité ou dans la clandestinité le reste du temps. Y a un deuxième chapitre qu'on appelle souvent Galeo, parce qu'il se concentre sur le personnage de Galeo, justement. Mmh. Même si certains récits vont justement aller plus loin dans leur premier chapitre, c'est l'exemple par exemple des Lettres gothiques, qui vont inclure une partie de cet épisode de Galeo et qui vont aller jusqu'au premier baiser de Lancelot avec Guenièvre, qui est organisé par Galeo. Galeo est donc un seigneur des îles lointaines qui a conquis de nombreux royaumes et qui veut ajouter celui d'Arthur à ce nombre. Et qui va être en fait convaincu, à la fois battu et convaincu par Lancelot, va devenir son ami et son soutien, il va l'aider dans sa relation avec Guenièvre. L'histoire se suit en fait par un récit d'une fausse Guenièvre, donc qui est souvent inclus effectivement avec les aventures de Galeo. Et en fait, l'épisode de Galeo se termine avec la mort de Galeo qui meurt alors qu'il croit que Lancelot est mort lui-même. Oui, il est blessé à un moment. Ça laisse entendre qu'il meurt de chagrin. Et basiquement, il a une blessure qui empire et il refuse de se nourrir parce qu'il croit que Lancelot est mort et puis il décède peu de temps après. Lancelot, plus tard, découvrira sa mort et sera en retour lui-même triste. L'épisode qui suit, celui de Galeo, c'est celui de la charrette. Alors, on le divise parfois en deux. Donc, quand on parle de. Parce que l'épisode de la charrette est disons, en deux parties. Et va être en gros plus ou moins l'histoire du Lancelot du lac du fait de la charrette de Chrétien de Troyes, donc ce récit de l'enlèvement de Guenièvre par quelques détails qui changent, mais... il y a deux trois choses qui changent, mais enfin on est dans le même genre de récit. Il y a parfois, suivant les versions, la façon dont Lancelot en fait saute dans la charrette diffère. Oui. La plupart des versions, ils sautent instantanément au lieu d'hésiter comme dans le... Voilà, dans le Chevalier de la Charrette de Chrétien, il y avait cette hésitation avant de sauter, qui du coup Guenièvre était fâché parce que son amant avait quand même hésité un instant. Là, il n'hésite pas, il saute instantanément, mais Guenièvre est fâché pour d'autres trucs qui sont en rapport à Morgane qui essaye d'empoisonner leur relation et d'autres... Voilà. On n'a pas... Bon, effectivement, on va rentrer dans un peu dans les détails après, mais il y a une présence assez forte de Morgane dans le Lancelot propre. Enfin, donc cette histoire de la charrette est divisée en deux parties parce que la fin est un peu n'apparaît pas de la même façon dans tous les manuscrits. Et enfin, on termine par un épisode qui s'intitule généralement Agravain, même si Agravain n'y joue pas un grand rôle, qui est en fait une préparation à la quête du Graal. On y voit les premières traces, la première apparition du Graal dans cette continuité, si vous voulez, où c'est Gauvain qui le rencontre et on va voir les aventures de Lancelot au château du Graal et la conception de Galahad, son fils, avec Hélène, la fille du roi pêcheur. Donc ça va être vraiment l'épisode qui intègre le plus, si on veut, le récit dans le cycle arthurien, dans ce grand cycle du Lancelot Graal, en fait. Et on peut peut-être commencer par vous parler un peu du premier grand chapitre, en fait, en la marche de Gaulle, puisqu'il est intéressant, il se passe essentiellement en France, dans les marches de Gaulle, justement, et décrit, en fait, les conflits qui entourent les royaumes de Benoïc, dont le roi Ban est le souverain, et de Gaune, où le vieux roi Bort, son frère, est également souverain. Et leur conflit, en fait, ils vont devoir affronter d'abord Ban va devoir affronter justement un ennemi et va se faire trahir par son propre sénéchal. Donc il va y avoir un assez long récit, en fait, de cette guerre entre les deux. On est vraiment en marge du royaume d'Arthur, mais Arthur semble être déjà roi dans le récit tel qu'il est fait. Et en fait, le grand ennemi du père de Lancelot s'appelle Clodas, et Ban, donc sa femme Hélène et son petit-fils qui est un nourrisson Lancelot vont devoir fuir leur château, et Ban va mourir en voyant son château de Trèbes brûler, en fait. Mort de chagrin alors qu'il est à cheval. Il y a une scène très comique où il est au sommet d'une colline, il voit son château brûler, il y a cette scène de la communion populaire où il prend trois brins d'herbe pour communier et il s'effondre et il meurt. Il y a son valet qui arrive et qui s'effondre sur lui et qui pleure, puis il y a sa femme qui vient et qui... Il y a une espèce de pile de gens en train de pleurer les uns sur les autres sur le cadavre de Ban de Benoïc, justement. Et puis juste après, il y a la Dame du Lac qui vole Lancelot. Oui, Lancelot est un peu oublié en nourrissant au pied d'une près d'un lac. Et en fait, c'est la Dame du Lac qui va le préserver, en fait, d'une certaine façon. On dit ça gentiment, mais comme c'est décrit... enlèvement féerique, pour apprendre à en parler, oui. La reine voit la Dame du Lac prendre le bon bain et jouer avec, puis je dis, mais d'où elle vient, celle-là? Puis elle essaie de lui adresser la parole, puis la Dame du Lac saute à pieds joints dans le lac et disparaît avec l'enfant, et puis la reine, du coup, s'évanouit. Plus tard, elle va aller dans un couvent, et plus tard, elle retrouvera ses enfants quand son enfant et ses cousins quand ils seront adultes. Voilà. Et puis du côté du frère de Bran de Benwick, le Bort, le vieux, disons, ses deux enfants à lui, Lionel et Bort, le jeune, qui sont les cousins de Lancelot, sont également enlevés à leur mère, non pas par une Dame du Lac, mais par un vassal de leur père qui essaie de les soustraire un peu à la convoitise de Clodas. Et Clodas est une figure assez intéressante parce qu'il n'est pas nécessairement présenté comme toujours maléfique. Non, il est juste un peu cupide, ambitieux, mais il a quand même... Mais c'est un ennemi légitime, disons. Donc il a presque une légitimité dans le fait qu'il soit ennemi, parce que c'est affiché. C'est presque les traîtres au service de Bran et de Bort qui sont plus chargés que lui. Il ne va pas forcément récompenser les traîtres immédiatement. Il va même jouer sur le fait qu'ils ont trahi pour pouvoir ne pas les récompenser de l'avoir aidé. Il a un côté vaguement honorable, même s'il est un peu brut. C'est un ennemi qui est intéressant de ce côté-là. C'est pas un Méléagant qui est entièrement maléfique, en train de se frotter les mains. Et typiquement, il essaye aussi d'avoir une certaine légitimité où il y a une servante de la Dame du Lac qui va venir, par exemple, et essayer de faire libérer Lionel et Bort. Et donc elle annonce, oui, mais tu maltraites ses enfants. Et il dit non. Et il dit, on va les faire venir, vous allez voir que je les traite bien. Et il veut donner sa coupe à Lionel ou Bort pour qu'ils boivent avec lui, pour montrer que regardez comme je les traite bien. Et puis quand ils seront grands, je leur rendrai leur terre. Puis la servante de la Dame du Lac leur a donné des couronnes de fleurs et des colliers de pierre qui les protègent des blessures aux enfants. Et du coup, il balance la coupe de Clodas à sa figure, et puis il commence à prendre une épée et un sceptre qui traînent sur une table et à frapper sur tout le monde. Et il tue d'ailleurs le fils de Clodas. Mais donc, vous avez cette espèce d'idée que Clodas, il veut quand même paraître être un roi relativement légitime. Il y a des épisodes assez intéressants. Il y en a un où il couche avec la femme de son sénéchal, justement. Et le sénéchal vient lui dire, je crois, Clodas, qu'il y a un de vos hommes qui couche avec ma femme. Et puis Clodas fait mine de pas savoir alors que c'est lui. Et il envoie aussi des gens incognito. Il va incognito à la cour d'Arthur pour contempler sa puissance. Oui, et puis après, quand il revient, il y a tout un truc où il se fight avec son valet, justement. Avec son valet, puis son valet dit, ah, mais vous avez été déshonorable. Et puis lui, il veut quand même avoir le dessus. Oui, il y a pas mal de moments comme ça où il manque de l'arrivée des bricoles parce qu'il parle un peu trop vite ou parce que ses hommes sont un peu trop un peu plus droits que lui ou un peu moins droits que lui, suivant comment. Mais c'est assez intéressant ce passage avec Clodas. C'est assez long, surtout. Je ne sais pas à quel point il est abrégé dans l'édition, la traduction de Micha, disons, mais ça m'a frappé à quel point on mettait du temps à en venir en fait, à l'enfance de Lancelot en proprement parlé. J'avais lu la version de la Pléiade, mais oui, ça met énormément de temps, beaucoup d'intrigues politiques. Vous avez aussi cette espèce de guerre civile à 30 couches, et puis vous avez par exemple, on va transférer... Il y a une espèce de scène, on va transférer quelqu'un, mais Clodas ne fait pas confiance à Farien parce qu'il sait qu'ils vont tenter de l'assassiner parce que c'est lui, le fameux traître qui avait ouvert les portes de la cité. Et donc Clodas le fait transporter dans une autre armure pour... il fait mine de le mettre dans une autre armure que celle où il dit qu'il va le faire. Comme ça, quand il y a une tentative d'assassinat, il voit que ça ne le tue pas et puis ils le savent. Bon, c'est pas inintéressant, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de fioritures avant d'arriver à ça. Voilà, et puis c'est surtout, on se concentre assez peu finalement, à part de façon périphérique sur Lancelot. Je crois d'ailleurs la partie du roman est parfois appelée par un titre, quelque chose comme l'histoire de la reine éplorée ou l'histoire de la reine affligée, en référence à la mère de Lancelot qui perd son fils en fait et son mari. Toujours est-il que vers la fin de ce passage de l'enfance de Lancelot, en fait, Lancelot est réuni chez la Dame du Lac avec ses cousins qui vont être élevés en partie avec lui. Il y avait sa servante justement après cette scène où il s'était révolté un peu contre Clodas, elle les avait changés en chiens. Elle leur avait donné l'apparence de deux chiens, elle avait donné l'apparence des enfants à deux chiens, et du coup les gens couraient après des chiens qui avaient l'apparence des enfants pendant qu'elle s'enfuyait avec les enfants qui avaient l'apparence de chiens, et elle avait réussi à les amener sous le lac dans l'espèce de forteresse de la Dame du Lac avec Lancelot. Lancelot, on lui cache son identité d'ailleurs. La Dame du Lac, un peu comme dans Perceval. Hein. Voilà, elle dit qu'il est noble, que c'est un. Ça fait genre, on m'a appelé fils de roi. Puis il dit, mais qui vous dit que vous êtes fils de roi? Elle lui cache quand même son identité. Et il grandit, il devient très impétueux. Il y a une scène où il tabasse un de ses précepteurs avec un arc parce qu'il a. Il a eu une espèce de manœuvre de largesse parce qu'il a rencontré justement un homme qui n'avait pas de monture et je crois qu'il lui a donné une monture ou quelque chose. Et le précepteur, bien sûr, n'est pas content. Et ben lui, il fend le front avec son arc. Vous précisez aussi qu'ils vivent censément au fond d'un lac, mais en fait, c'est pas un lac, c'est un val. mais il y a un lac qui semble cacher le tout, mais oui. Il vit pas sous l'eau, hein. Si vous imaginez Lancelot du lac avec les bronchies et puis l'idée que Lancelot est un homme sirène, je sais pas si ça a été assez exploré, mais enfin c'est un sortilège, la Dame du lac, qui préserve la chose en fait disons ce lac de la vision des mortels. Toujours est-il que il va grandir justement, être éduqué, et il va être en fait finalement envoyé à la cour d'Arthur pour devenir vraiment un chevalier. Et c'est là qu'il va tomber amoureux de Guenièvre, en fait, dès qu'il la voit. Il est adoubé par le roi, mais c'est Guenièvre qui va lui ceindre l'épée, ce qui marque un peu le début de leur relation et d'une espèce de relation privilégiée entre eux. C'est elle qui lui donne une épée, ce que le roi n'avait pas fait. Et du coup, en fait, il y a toute une série où il est d'aventures où il est adoubé, mais il n'a pas encore été complètement fait chevalier, et c'est Guenièvre qui doit compléter ça. Et il connaît toujours pas son nom, hein, soit dit en passant à ce moment-là. Il me semble que, voilà, elle n'est pas encore. Il ne sait pas encore qui il est exactement. Mmh. On sait que ses parents l'appelaient Galad, justement. Mmh. Donc est-ce que, comme on l'a dit avant, c'est une addition ultérieure, est-ce que c'est pour relier ça à son fils Galad, ou est-ce que c'est déjà présent dès le début, ça on ne le sait pas trop. Toujours est-il que, il va finir par arriver à cette couverture, faire des prouesses au nom de la reine, surtout, il sert de champion pour la reine avant tout. Et c'est là qu'on va rentrer finalement dans l'aventure de Galeot à proprement parler, mais qui va commencer pas par Galeot mais par le château de la Douloureuse Garde. Et c'est là que il va devoir se battre en fait contre une forteresse qui est remplie de sortilèges et de pièges et de dont les habitants sont les victimes en fait. Et l'idée, c'est qu'il doit changer cette forteresse qui est la Douloureuse Garde en la Joyeuse Garde pour la faire redevenir joyeuse. Et c'est un assez long passage parce qu'il ne va pas parvenir à briser le sortilège dès le début, en fait. Il va réussir d'abord à battre une partie des chevaliers qui fondent sur lui, mais il ne va pas réussir tout de suite. Il va devoir avoir l'aide d'une servante de la Dame du Lac qui va lui donner des boucliers qui, en fait, lui permettent d'avoir la force de plusieurs hommes à chaque fois pour lui parvenir à passer les étapes en fait du jeu de la Douloureuse Garde. Et c'est intéressant parce que la structure me fait penser soit à un jeu vidéo soit à un jeu de rôle en fait, beaucoup. Il y a un côté très fantasy là-dedans, c'est qu'il a un bouclier blanc et rouge à une bande, deux bandes, puis trois bandes, et à chaque fois on dit ça vous donne la force d'un, deux ou trois hommes en plus. Et Lancelot dit basiquement, mais est-ce que c'est pas triché? Genre il a l'air de dire, est-ce que c'est pas déshonorable de faire ça? Mais finalement il réussit à gagner, à libérer tous les prisonniers qui gémissaient dans la Douloureuse Garde et à mettre fin aux mauvaises coutumes. Donc souvent ces choses sont mises en perspective comme des coutumes, c'est-à-dire ici on torture les gens et elles sont abolies par le gentil chevalier comme d'habitude, et qu'à partir de maintenant on l'appellera la Joyeuse Garde. Mais il faut préciser qu'il va pas réussir tout de suite à libérer la Joyeuse Garde en fait. Il va le voir d'abord, il retournait ensuite pour vraiment la libérer. On va lui faire croire plus tard que Guenièvre est retenu en otage dans le château pour lui faire venir. Pour le faire venir. Toujours est-il qu'en tout cas, dans le château de la Douloureuse Garde, il trouve une dalle, enfin une espèce de plaque en métal, je ne sais pas si c'est très clair, qui est scellée dans le sol. Et on nous dit que celui qui parviendra à conquérir ce château pourra la soulever et il y trouvera son nom. Et c'est comme ça qu'il voit son nom en fait, parce qu'il voit. Il est appelé le Blanc Chevalier pendant ce passage de la Douloureuse Garde, et quand il soulève cette dalle, il voit une pierre tombale en fait, et dessous il voit écrit « S'y reposera Lancelot du Lac, le fils au roi Ban de Benoïc », et comme ça il apprend son nom en fait. Donc c'est pas comme Perceval qui l'apprend relativement tard finalement son nom. Là il l'apprend assez tôt dans ses aventures finalement. Oui, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est le ton qu'il y a quand il met fin aux enchantements de la Douloureuse Garde. On l'amène dans une espèce de chapelle qui est juste à l'extérieur et il doit descendre où étaient les tombes, dans l'entrée d'une cave souterraine, et on lui dit c'est là qu'est la clé des enchantements. Et il y a un passage qui est très, on a dit entre Zelda et Fort Boyard, c'est-à-dire qu'il doit descendre, il voit dans les ténèbres du truc, il voit deux statues de chevaliers en cuivre, donc il y a ces espèces d'automates de cuivre qu'on a déjà vu plusieurs fois, chacun avec une longue épée d'acier si pesante que deux hommes auraient eu du mal à la soulever. Elles font pleuvoir des coups si rapides et si fréquents qu'on ne passerait pas impunément. Alors il brandit son bouclier et il court dessous, et malgré toutes les blessures que ça lui fait de se faire hacher par ses épées, il ne scie pas et arrive au-delà. Il arrive au seuil d'une autre porte, un puits s'offre à sa vue, large de 7 grands pieds à l'odeur nauséabonde, et c'est de là que sortait le vacarme qu'on entendait. Le puits est sombre et hideux, de l'autre côté se tient un homme à la tête noire comme de l'encre, de la bouche lui jaillit une flamme bleuâtre, ses yeux luisent comme des charbons ardents, et ses dents de même. Et il tient une hache, et il soulève cette hache pour interdire l'entrée. il se bat contre lui. Il le frappe avec une telle fougue que l'écu éclate en morceaux, mais l'homme reste sur ses pieds. Alors il réussit à le frapper de nouveau et à le vaincre. Il dégaine son épée, il voit une demoiselle artistement façonnée en cuivre qui tient les clés des enchantements dans sa main. Il les prend, va au pilier de cuivre qui est au milieu de cette chambre, et lit l'inscription qui suit. La grosse clé ouvre ce pilier, et la petite ouvre le coffre périlleux. Donc là, on est vraiment dans une espèce de dimension. Tu dois libérer le donjon. On pourrait avoir ce genre... Il a trouvé la clé du boss, et il va pouvoir aller chercher la boussole et la carte du donjon dans le coffre. Avec la grosse clé, il ouvre le pilier, et quand il vient au coffre, il écoute et entend à l'intérieur un grand bruit et de grands cris qui faisaient trembler le pilier. Il se signe, puis va ouvrir le coffre. Il en sortait 30 tuyaux de cuivre, et chacun d'eux s'échappait une voix épouvantable. Et c'est de là que venaient les enchantements et les mystères du château. Il met la clé dans le coffre, et dès qu'il a ouvert, un tourbillon et un tumulte à faire croire que tous les diables y étaient réunis. Et c'était en fait des diables, donc il y avait vraiment des démons. Le chevalier s'affaisse privé de connaissance, et il revient à lui avec la clé du coffre. Il voit le pilier s'abîmer dans les profondeurs de la terre, ainsi que la demoiselle de cuivre. Et les deux chevaliers qui gardaient la porte étaient mis en pièces. Donc il a vraiment réussi à mettre fin à ses enchantements et à mettre en pièces tout ça. Et il sort du château avec les clés. Et on lui fait la fête. Et je trouve ce passage assez intéressant parce qu'on a vraiment cette espèce de, je dis entre Fort Boyard et Zelda, mais c'est ça en fait, le fait de descendre dans une pièce avec des automates ou des espèces de créatures à laquelle on peut mettre fin si on arrive à la bonne clé, c'est quelque chose d'assez finalement peut-être assez moderne, ou peut-être que notre fantaisie est archaïsante, mais je trouve intéressant. Ça amène au Galeo qui commence avec un rêve prémonitoire d'Arthur qui fait venir des ecclésiastiques pour qu'ils l'interprètent, et il doit les menacer de mort pour qu'ils lui donnent la vraie signification de son rêve, qui est que son pouvoir va décliner. Et il est admonesté par un ermite qui débarque à la cour et qui lui dit tu as été trop fier Arthur, tu vas le payer. Galeo est donc le fils d'une géante et le seigneur des étranges îles, donc les îles étranges, mais plutôt les îles lointaines en fait, généralement on traduit, qui a conquis 30 royaumes et qui convoite celui d'Arthur, et il lui déclare la guerre. Lancelot malheureusement est fait prisonnier par la dame de Malo, qui tombe amoureuse de lui, mais elle le laisse chaque jour aller combattre les armées de Galeo au cours de deux batailles ayant lieu deux années de suite, c'est-à-dire que la première bataille se passe très mal, mais Galeo donne un délai d'un an pour la suivante. Lancelot est retenu pendant au moins un an, enfin on peut suivre la chronologie, ça va d'à peu près, je crois il a une quinzaine d'années quand il arrive à la cour, et puis ça amène jusqu'à une trentaine et quelques d'années si vous condensez le temps. La chronologie est assez bien respectée, assez cohérente, mais donc il reste un an chez la dame de Galeo, la dame de Malo, pardon. Galeo a le dessus pendant les batailles, Gauvin et Yvain se démarquent assez bien, Gauvin est assez bon général, mais il finit par être blessé et définitivement affaibli, et... Quand il voit les prouesses de Lancelot, il est juste charmé. Et il dit « Ah non, il faut que je sois l'ami de ce chevalier. » Et en échange de l'amitié de Lancelot, il accepte d'arrêter la guerre. Il aide ensuite Lancelot à s'engager dans une relation amoureuse secrète avec Guenièvre, tandis qu'il s'unit à la dame de Malo. Donc ils font les wingmen l'un pour l'autre, où ils se mettent avec une dame. Il faut quand même dire que la relation entre Lancelot et Galeo, bon, elle n'est pas sexuelle, mais il y a clairement une relation... homosocial assez forte, où Galeo dit à plusieurs répétitions qu'il aime Lancelot plus que tout au monde, et il dépérit quand il ne le voit pas, il a besoin d'être avec lui. Il y a cette espèce de triangle amoureux entre Lancelot, Guenièvre et Galeo, c'est-à-dire que Lancelot va vivre avec Galeo, et du coup Guenièvre et Lancelot dépérissent, puis ensuite Lancelot vient vers Guenièvre, c'est Galeo qui dépérit. Et ça ajoute un peu à la tension, même si forcément il n'y a pas de sexualité entre Lancelot et Galeo. Le comte revient à Gauvin, qui rencontre Hector Desmarres, dont on ne sait pas encore que c'est le fils de Ban aussi à la Fontaine du Pin. Pour donner une idée un peu du genre d'aventure qu'on voit dans cette histoire-là, en fait, il y a énormément d'aventures secondaires de beaucoup de chevaliers. Donc, Gauvin délivre la dame de Rostock de son prétendant Ségurade, puis rencontre son frère Agravain qui est malade et qui peut être guéri que si on l'enduit du sang des deux meilleurs chevaliers du monde, et ça tombe bien, il le sera légèrement plus tard. Parce que c'est Gauvin, donc c'est l'aventure de Gauvin qui rencontre Agravain, son frère. Et il doit être couvert du sang de Gauvin et Lancelot pour être guéri, et ce qui sera fait plus tard. Le jeune Mordret est avec Agravain. Plus tard, Gauvin intercepte Lionel, qui est un messager de Lancelot de Galeo auprès de Guenièvre. Donc, son cousin, hein, ouais, Lionel de Gaune. Il obtient des renseignements sur Lancelot qui recherche. Puis après, avoir soutenu avec l'aide de Girflay le duc de Cambenic dans sa guerre contre son voisin le roi de Norgal, il couche avec la fille du roi de Norgal. C'est assez marrant en fait, il y a une scène où il se glisse dans son lit la nuit et puis il l'embrasse dans son sommeil un peu. Il y a une chambre avant la chambre de la fille du roi de Norgal qui est pleine de chevaliers qui dorment et qui sont censés la garder, et donc il va sur la pointe des pieds batifoler avec elle. Ce qui est assez intéressant par contraste, c'est ce qui se passe quand on fait le même coup, quand c'est une dame qui fait le coup à des chevaliers, c'est-à-dire que quand Lancelot est embrassé dans son sommeil dans le Père Lesvos, il le prenait assez mal. Et ici aussi, il y a une scène où il y a une dame qui essaye d'embrasser Lancelot et il va basiquement la menacer de mort et brandir son épée, même s'il se rend compte que ouais, c'est peut-être pas adapté. Mais on voit l'absence de symétrie qu'il y a dans les relations entre hommes et femmes dans ces œuvres-là. Hector est prisonnier au château des Mares. Il se délivre en prouvant que la magnifique Hélène sans père est la plus belle femme, que son mari Persidès n'est bon chevalier. Gauvin, armé d'Excalibur, affronte Lancelot jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent. Donc c'est un de ces combats où ils se disent pas leur nom et puis ils se tapent dessus jusqu'à ce qu'ils remarquent qu'ils se connaissent. Plus tard, Lancelot aide Arthur à vaincre les Saxons. Et elle délivre du château de la Roche, donc il y a une espèce de guerre contre les Saxons, parce qu'Arthur est tombé bêtement amoureux de l'enchanteresse Camille, et il arrive à se faire prisonnier par elle, tout comme Lancelot Gallo, et c'est Yvain qui doit gouverner les troupes contre les Saxons, jusqu'à ce que quelqu'un réussisse à... Lancelot et Gallo s'échappent, qu'on réussisse à brûler les grimoires de Camille, en fait, ça met fin à ses enchantements, et elle se suicide en sautant du haut de sa tour. Mais donc là, vous avez quelque chose qui n'est pas très valorisant pour Arthur, où il se dit « Ah, je vais aller tromper Guenièvre !» Donc c'est même pas Arthur comme ce roi bon qui est la victime de cet adultère terrible et qui est parti... Non, il s'en fout, il va... Non, Arthur est assez mal servi par le Lancelot propre, en tout cas. Ce qui enchaîne d'ailleurs un autre épisode où il se fait avoir, c'est la fausse Guenièvre, c'est-à-dire qu'il y avait eu une espèce de complot pendant le mariage d'Arthur et Guenièvre pour faire croire apparemment à une fausse Guenièvre, mais le complot avait été déjoué ou quelque chose. Toujours est-il qu'il y a une autre Guenièvre qui est aidée par le vieux chevalier Berthelet, qui est une fausse Guenièvre qui affirme que la Guenièvre que le roi a épousée n'est pas... Enfin, que la Guenièvre qui est là n'est pas celle que le roi a épousée. Et donc, elle revient plusieurs fois, ses envoyés viennent plusieurs fois, et Arthur dit qu'il faudrait qu'elle vienne se défendre elle-même à ma cour à cette date-là. D'accord. Puis ensuite, pendant une partie de chasse, elle kidnappe le roi. Et puis du coup, elle se rend à la cour. Cache. Elle kidnappe le roi, elle l'enchante grâce à des breuvages, des sortilèges. Elle revient à la cour quand le roi n'est pas là, puis elle dit « On m'a demandé la justice et je la veux. » Et le roi n'est pas là, donc ils ne peuvent pas faire ça. En fait, cette fausse Guenièvre, elle a été engendrée la même nuit que Guenièvre quand Léodagan avait violé la femme de son sénéchal. C'est vraiment une demi-sœur de Guenièvre. C'est une demi-sœur de Guenièvre, et puis elle est identique, cette espèce de génétique médiévale. Donc c'est là justement où tout le monde est... Arthur décide finalement, parce qu'il est retenu par la dame, d'aller faire juger l'affaire en Carmélide, parce que logiquement, la Carmélide doit savoir laquelle est la vraie Guenièvre, puisqu'ils la connaissent depuis plus longtemps. Sauf qu'ils font partie du complot, et du coup, ils décident que Guenièvre n'est pas la vraie Guenièvre, ce qui pourrait impliquer qu'elle va se faire écorcher les mains et brûler vive. Donc c'est pas terrible. Les chevaliers sont outragés, donc Gauvin, Yvain, Lancelot, bien sûr... disons, il y a quand même un portrait où tous les chevaliers trouvent que c'est injuste et illégitime et stupide, et ils veulent tous ils défient Arthur en disant que c'est pas une bonne décision, et il y a même qui dit qu'il va se battre, qu'il va être le champion de Guenièvre et qu'il va se battre pour elle, mais c'est Lancelot qui bien sûr lui passe devant et dit non, c'est moi qui vais le faire. Et puis après, la cour de Carmélite décide, ce qui montre encore qu'ils sont déshonorables, ils décident que Lancelot devra affronter 3 chevaliers simultanément. Puis tout le monde est là, mais c'est du jamais vu. Puis t'es là genre, ouais, votre système judiciaire où littéralement, si tu peux battre des gens en duel, t'as le droit de faire littéralement ce que tu veux. C'est leur cour suprême, c'est littéralement de tuer des gens en combat singulier. Et là, ils sont là, non mais si c'est contre 3, ça va pas. Et c'est là justement l'épisode où je disais, dans certaines versions... Gauvin transmet Excalibur à Lancelot, ce qui laisse entendre que c'est lui qui défend vraiment la légitimité et le pouvoir du royaume au moment où Arthur est ensorcelé et donc faillible. Et dans d'autres, c'est Gallo, parce que c'est lui finalement qui va héberger Guenièvre et Lancelot pendant une période de quelques mois, quelques années, où Guenièvre peut montrer certains remords, et justement pendant qu'ils sont chez Gallo, ça pourrait être parfait en fait, parce que Guenièvre est avec Lancelot, Gallo est avec Lancelot, mais ils vont pas... consommer véritablement leur amour quand ils sont chez Gallo, Guenièvre montre des remords, jusqu'à ce que Berthelet et la fausse Guenièvre soient victimes d'une maladie qui est vue comme une espèce de punition divine à cause de leurs mensonges, et qu'ils confessent leur crime, puis qu'ils soient mis au bûcher, et que Guenièvre puisse revenir chez elle. Mais donc, vous avez cette espèce de défense de Guenièvre par Lancelot et Gallo qui s'interpose là. Lancelot va partir pour libérer Gauvin, qui est prisonnier de Caradoc, qui est cette fois-ci un méchant seigneur de la douloureuse tour, qui n'est pas la douloureuse garde, attention. En chemin, il délivre le Val sans retour des sortilèges de Morgane, parce qu'il y a des gens qui ont eu des pensées infidèles, ne peuvent pas en sortir. C'est-à-dire que si des amants sont dans une relation où ils n'ont pas été complètement fidèles, ils en sont prisonniers pour toujours. Mais comme son amour est exemplaire, et grâce à ses prouesses, il tue deux dragons, basiquement à main nue. Donc il y a pas mal de combats à ce moment-là. Et des gardiens qui sont sur un grand brasier. Il y a une ambiance très Dark Souls à ce moment-là, vraiment. Beaucoup de feux, de dragons et de brasiers. Il réussit à délivrer tous les prisonniers, donc là on retrouve un peu... C'était un peu le motif qu'il y avait dans le Chevalier de la Charrette, Lancelot qui délivre les gens d'un endroit où ils sont prisonniers. Mais Morgane réussit à le capturer, à l'endormir par un sortilège. Depuis que la reine Guenièvre avait interdit à son neveu Guillamor sa liaison amoureuse avec Morgane, donc le neveu de Guenièvre, Guenièvre avait dit non, tu peux pas coucher avec Morgane. Celle-ci détestait Morgane, la reine. Morgane, c'est la même. Hein, Morgane, Morgane, ouais, c'est la même. Souvent on dit Morgane, bon, moi je vais dire Morgane. Elle accepte de laisser Lancelot poursuivre son chemin vers la douloureuse tour où Gauvin est prisonnier de Caradoc, mais il doit revenir se faire prisonnier après, puis bien sûr, comme Lancelot est honorable, il accepte. Lancelot tue Caradoc en duel, pas de bol, il délivre Gauvin et il revient se constituer prisonnier. Et Morgane se sert de ça pour semer la discorde auprès de Guenièvre, c'est-à-dire qu'elle remarque que Lancelot a un anneau que Guenièvre lui avait donné, ils avaient échangé des anneaux en fait. Et elle se dit qu'elle va le voler, mais elle n'arrive pas, on ne sait pas trop pourquoi, parce que Lancelot là non, je ne veux pas vous le montrer, et finalement elle réussit à le voir, et plutôt que de le voler alors que bon elle a des pouvoirs magiques etc, elle en fait faire une copie et elle l'envoie à la cour par une de ses servantes dire à Guenièvre: voilà Guenièvre, c'est l'anneau que tu avais donné à Lancelot, mais il n'en veut plus parce qu'il s'est repenti de votre relation adultère. Et puis du coup ça devrait faire un scandale à la cour, mais apparemment personne n'y croit. Guenièvre arrive à se défendre, puis ouais c'est n'importe quoi. Mais sauf que elle arrive à se défendre publiquement, mais en privé elle commence à se dire: ah, Lancelot a renié notre relation et m'a balancé, c'est pas très courtois, et du coup elle lui en veut. Elle finit par libérer Lancelot en lui faisant boire un filtre hallucinogène où il voit la reine le trahir et coucher avec un autre chevalier, donc il voit la reine lui être infidèle et du coup il délire. Elle le libère à la condition qu'il ne retourne pas à la cour d'Arthur et qu'il ne voie aucun chevalier, qu'il fuit les autres chevaliers. Donc là, il y a une première recherche de Lancelot qui démarre, où Lionel, Yvain, Gallo et Gauvin partent à sa recherche, et Lancelot finit par obtenir sa libération en promettant à Morgane de ne plus approcher Guenièvre pendant un an. Plus tard, Gauvin et Yvain réussissent à le battre dans un tournoi, et Lancelot s'afflige de sa contre-performance et il part du côté du Sorelois. Lionel entend, il a une espèce de rumeur qui lui parvient que Lancelot est en vie, on commence à croire qu'il est mort même. Il accompagne Gallo en sa terre. Et il y a des gens qui ont vu Lancelot qui était en mauvais état, c'est-à-dire qu'il avait bu de l'eau empoisonnée à une source et s'est mis à gonfler comme un ballon. C'est assez drôle. Et il y a une dame qui l'aide et qui le soigne, mais la dame se dépérit parce qu'elle aime Lancelot et qu'elle sait que son amour ne sera pas réciproqué. Donc Lancelot est là: ah, je suis en train de mourir et il faut que cette dame me soigne, mais si je réciproque pas son amour, elle va mourir et du coup elle pourra pas me soigner et du coup je vais mourir et si je meurs, elle mourra. Et du coup, il doit trouver une espèce de faille dans ça pour pouvoir aimer cette demoiselle qu'il soigne sans rompre son vœu à Guenièvre de lui être fidèle. Et ce qu'il arrive à faire, c'est que finalement la dame lui dit: oh, mais finalement moi ça me pose pas de problème d'être chaste. Et du coup ils deviennent bons amis, ils entrent dans une relation qui est finalement platonique, où elle dit: ah, on peut être ensemble comme le son chevalier et pucelle, mais on n'aura pas de relation sexuelle, du coup ça devrait convenir à Guenièvre, mais pour le reste je serai votre ami. Et elle le soigne, sauf que des gens ont vu que Lancelot était en très mauvais état. Et la nouvelle arrive à Gallo qu'il est mort. Gallo a une ancienne blessure, ou une blessure qui s'aggrave, et il meurt en refusant de s'alimenter. Parce qu'il croit que Lancelot est mort. Parce qu'il croit que Lancelot est mort, et donc que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Il y a énormément de scènes, je suis un peu passé, il y a une scène assez forte où quand Lancelot arrive avec Gallo en Sorelois, je l'ai illustré d'ailleurs, il arrive à son château et il lui dit: voilà, c'est le château où je voulais, c'est le château de mon orgueil, où je voulais me faire couronner. Il y a 130 créneaux et je voulais que si un jour j'avais conquis 130 royaumes, j'aurais pris les 130 rois que j'avais conquis, chacun avec leur couronne, et ils auraient été tous à côté d'un beau chandelier d'argent, et moi j'aurais fait un énorme chandelier avec une couronne et je me serais fait couronner roi suprême de tous ces rois. Et il dit: mais maintenant j'ai abandonné ça pour toi, Lancelot. Puis Lancelot se sent un petit peu coupable parce qu'il se dit: ah, cet homme qui était si grand, si fort, si beau, si valeureux. Destiné à de grandes choses. Destiné à de grandes choses. Très proche, probablement, d'Alexandre le Grand. C'est-à-dire, il y a quelques théories qui voient Gallo comme inspiré de ces légendes médiévales sur Alexandre le Grand comme grand conquérant. En tout cas, un versant d'Arthur qui est parfois même présenté plus positivement que lui. Oui, parce que là, c'est aussi un élément qu'on a retrouvé chez Arthur, traditionnellement, dans les conquêtes immenses d'Arthur, dans les brutes, par exemple. La tradition des brutes. Mais quand ils arrivent à ce château, bah justement, ils voient un énorme fracas qui se fait entendre et il y a la moitié du pan d'un mur des tours qui s'effondre. Et Gallo se dit: ah, malheur, Dieu m'envoie un signe que j'ai échoué dans ses yeux et que j'ai été trop orgueilleux. Et effectivement, ça pointe le début de sa chute. Il y a aussi une scène où ils vont regarder une espèce de prophétie, c'est-à-dire qu'ils font une espèce de rituel étrange pour savoir combien de temps Gallo va vivre. Et il voit qu'en fait son temps est compté. Il voit assez vite, c'est cette figure assez tragique qui voit assez vite que son temps lui est compté. Ce qui nous amène à la troisième partie, enfin comme on a dit, les divisions ne sont pas toujours fiables, mais la partie de la charrette et de ses suites qui reprennent donc l'histoire du chevalier de la charrette, légèrement modifiée. Oui, alors Lancelot à ce point-là a sombré dans la folie après avoir été relâché par Morgane, parce que la reine lui manque tellement en fait qu'il est, devenu fou, un peu comme Yvain dans Le Chevalier au Lion, hein. On est dans une dimension similaire, il erre dans la forêt, et la Dame du Lac le retrouve et le soigne, mais alors qu'il est absent donc de Camelot, c'est là que Méléagant, qui avait fait une espèce de pari avec Lancelot auparavant, arrive à Camelot. Il avait promis à Lancelot de l'affronter en tournoi, et si Lancelot avait battu Méléagant, Méléagant aurait libéré les Bretons retenus en otage dans son royaume. Donc ça, c'est assez similaire à ce qui est dans le chevalier de la charrette. Mais vu que Lancelot n'est pas là, quelqu'un d'autre doit relever le défi. C'est Co qui s'y met, et que bien sûr se fait battre honteusement par Méléagant, qui du coup estime avoir le droit d'enlever Guenièvre. Je crois qu'il y a quand même une représentation de Co qui est en perspective légèrement moins vantard, oui, et brave, mais justement il a quand même quelque chose de preux, dans le sens où il est pas très fort, mais il va quand même se mettre en danger ou s'avancer pour. Disons, il est en meilleure position que dans les textes de Robert de Boron, par exemple. Il est pas aussi vicieux et méchant, etc. Mais il est quand même, c'est pas le meilleur chevalier. Voilà, c'est ça. Il est un peu bobert en fait. Il est plus un peu con que Même s'il garde des traits de son. Voilà. En tout cas, toujours est-il que Lancelot maintenant est revenu. Il poursuit Méléagant avec Gauvain et il rencontre un personnage qui conduit une charrette. Et c'est là que de nouveau ils vont se voir offrir de retrouver Méléagant en grimpant dans la charrette. Sauf que là ils sautent instantanément. Voilà. Alors Gauvain lui ne veut pas, mais Lancelot. Pas de temps à perdre. Pas le temps de niaiser. Il est dans la charrette. Et ils vont être menés dans une ville où ils vont être moqués en fait par les habitants de la ville et par notamment leur hôtesse. Enfin, surtout Lancelot va être moqué parce que il est monté dans la charrette alors que Gauvain pas. Et pendant qu'ils sont dans cette ville, ils vont voir Guenièvre et son abducteur, enfin son Méléagant, passer à travers la ville. Et ils vont donc poursuivre leur chemin puisque une des demoiselles qu'il rencontre en partant de la ville, c'est où Méléagant enlève la reine, et ils lui promettent en fait de l'aider dans le futur si elle les aide dans le présent. Donc elle va lui dire qui il est exactement, d'où il vient, c'est-à-dire il vient du royaume de Gore, et en fait ce royaume appartient au père de Méléagant, qui est Baudemagus, le roi Baudemagus. Et Baudemagus était autrefois un des vassaux de Galéo, en fait, c'est un des royaumes qu'il a conquis. Et en fait ils peuvent prendre deux chemins différents pour rentrer à Gore, soit ils vont par le pont sous l'eau, soit ils vont par le pont qui est le pont de l'épée. Donc là on est toujours dans la structure du chevalier de la charrette en fait, hein. De toute façon c'est similaire avec ces deux ponts. Gauvain va vers le pont sous l'eau, c'est là où il se noie pendant des mois et des mois vous vous souvenez, dans le chevalier de la charrette, hein. Et Lancelot va vers le pont de l'épée. Et alors là on est très similaire, hein. Je vous renvoie volontiers au chevalier de la charrette, on est dans une dimension tout à fait identique. Il va notamment trouver un peigne de Guenièvre. Il va donner ce peigne à une demoiselle, mais garder les cheveux de Guenièvre qui se trouvent dans le peigne. Il va finalement arriver, après avoir défendu la demoiselle contre un prétendant un peu aventureux, vers un monastère ou une maison de religion selon le texte. Et là, en fait, il va découvrir la tombe de. Une tombe dont il est censé être le seul chevalier à pouvoir le faire, et il va découvrir la tombe d'un certain Galahad, qui était le premier roi chrétien du Pays de Galles, qui est le fils de Joseph d'Arimathie, en fait. Qui est probablement son ancêtre, en tout cas la personne dont il tient le nom. Voilà. Il arrive à soulever la dalle... De la tombe de Galaad, mais pas celle de la tombe de Siméon. De Siméon, ouais. Et en fait, là, l'esprit de Siméon avait prédit que c'est une autre dalle, donc c'est dans le même monastère, il y a une autre tombe avec une flamme permanente dessus. Et en fait, Siméon, son esprit avait prédit que seul Galaad, qui serait le héros du Graal, parviendrait à soulever cette tombe. Effectivement, Lancelot n'y parvient pas, et il est informé que c'est Galaad qui sera son fils, qui parviendra finalement à résoudre la quête du Graal, si on veut, à mettre fin au temps aventureux et occuper le siège périlleux de la table ronde. Il faut juste noter qu'il y a la tombe de Siméon, en fait, c'est plusieurs personnages dont on trouve qu'ils sont soumis à des espèces de tourments éternels sur Terre, donc un espèce d'enfer sur Terre. Ils ont été punis parce qu'ils ont été pas complètement vertueux dans leur vie, notamment Siméon. Sa tombe brûle, ça laisse entendre que son corps est en train de brûler sur Terre jusqu'à ce qu'il soit libéré par le bon chevalier, ce qui est aussi ce qu'on va retrouver avec Evalar ou Mordrin, le roi, l'idée du roi Méhénié. Mais il va être stupéfait devant cette sépulture, se couvrir le visage de son écu à cause de la flamme, il va essayer de l'approcher, mais son armure va être quand même consumée par ça, et il s'exclame « Ah, mon Dieu, quel dommage !» en s'approchant de la tombe. Et quand il y est, la voix qui sort de la tombe lui lance un cri, et il entend qu'elle lui disait « Fuis, reviens sur tes pas, tu n'as ni le pouvoir, ni la permission d'achever cette aventure. Pourquoi ? Eh bien, je te le dirai, fais la voix, mais d'abord, pourquoi avoir prononcé ces mots ? Cher Seigneur Dieu, quel grand dommage !» Chevalier, donc Lancelot, se met alors à pleurer de douleur et de honte. Je l'ai dit, fait Lancelot, parce que j'ai trahi et abusé vilainement le monde. On me tient pour le meilleur chevalier, or je sais bien que je ne le suis pas, car n'est pas bon chevalier qui ressent la peur. Et la voix lui donne un petit peu de un petit peu motivant comme ça, lui dit « Tu as raison, et ce que tu dis est vrai, un bon chevalier ne connaît pas la peur, mais tu n'as pas raison de dire quel grand dommage, sous prétexte que tu n'es pas le meilleur parmi les bons. Avec la force physique et le courage que tu possèdes, entreprends d'affronter des épreuves. Le bon chevalier n'est pas encore venu, mais sa venue est proche. Il sera bon et beau et pourvu de toutes les vertus. Aussi, dès qu'il mettra le pied dans cette salle, il éteindra cette flamme de torture qui brûle ici et ravage mon âme et mon corps. Je te connais fort bien, ainsi que tous ceux de ton lignage, et sache que ton nom de baptême est celui du saint homme que tu as là-haut sorti de sa tombe, et je suis son cousin germain, mais ton père t'appela Lancelot en mémoire de ton aïeul qui portait ce nom. Il sera de votre lignage, celui qui m'arrachera d'ici, qui occupera le siège périlleux et mettra fin aux aventures de la Bretagne. » Le chevalier lui demande alors son nom. Donc, je m'appelle Siméu, je suis le neveu, le nièce de Joseph d'Arimathie, qui apporta de la terre promise le Graal en Grande-Bretagne. Mais pour un péché dont je me rendis coupable, je suis tourmenté d'âme et de corps en cette tombe, car Dieu ne veut pas que je le sois dans l'autre monde. Donc, il y a l'idée que c'est des gens qui vont quand même accéder au paradis, mais comme ils sont pas complètement parfaits, il y a cette espèce de purgatoire sur terre où ils peuvent être un petit peu torturés, jusqu'à ce qu'ils soient libérés par Galaad. Il y a aussi Lancelot qui va sortir, justement, Hélène d'un bac d'eau bouillante. Il y a une tête qui est dans une espèce de fontaine bouillante, qui va à moitié réussir à lever l'enchantement, mais c'est Galaad qui devra le sauver. Donc on a quelques événements comme ça qu'on va retrouver ailleurs. Voilà, après cette aventure donc, dans ce monastère, il continue son chemin jusqu'au pont de l'épée qu'il parvient à traverser, donc de nouveau comme dans le chevet de la charrette. Et depuis une tour, en fait, Baudemagus et son fils Mélagant voient en fait ce chevalier qui traverse le pont de l'épée, et ils admirent, Baudemagus admire le courage de Lancelot, en fait. Et Baudemagus semble, en fait, assez, beaucoup plus sympathique que son fils, en fait. Hein. Il préserve Guenièvre, des avancées de Méléagant, alors que Méléagant veut tout de suite tuer Lancelot et veut être vainqueur sur lui, alors que bah justement Baudemagus veut les réconcilier, en fait. Et bah, de nouveau, il y a toute une aventure. Il va réussir à entrer dans la chambre de la reine, mais son doigt blessé va saigner sur les draps. Oui, là, on est assez voilà, et là, il y a la consommation du mari, de la relation de Guenièvre et Lancelot, hein, comme dans le chevet de la charrette. Et au final, en fait, Gauvin est finalement libéré du pont de l'épée, mais il est renvoyé à Camelot. On lui dit que Lancelot a déjà délivré la reine, ce qui est pas vrai. Quand il retourne, en fait, il découvre que bah non, c'est pas vrai. Et Lancelot est finalement réussi à battre. Alors, il y a de nouveau une histoire compliquée, comme dans le chevet de la charrette que je vais pas vous résumer, mais grosso modo, il parvient finalement à vaincre Méléagant. Dans un duel, en fait, finalement, et le décapite, en fait, toujours comme dans le chevet de la charrette. C'est très très très similaire, hein, ce passage. C'est exactement le même. Il y a une différence, je crois, c'est que apparemment Baudemagus n'apprend pas immédiatement que c'est Lancelot qui a tué. La mort de Mélagant n'est pas immédiatement connue partout, voilà. Et du coup, ça va être encore un révèlement plus tard, justement. Il y a toute une aventure après qui va en fait être celle où deux morts sont apprises, où en retournant à la cour, et au retour de Guenièvre, il y a un chevalier qui s'appelle un chevalier rouge, qui est le cousin de Baudemagus, qui avait accusé Lancelot à Camelot d'avoir tué Mélagan par traîtrise. Et en fait, il va découvrir, en fait, en se rendant au royaume de Baudemagus pour aller se justifier et obtenir justice de cette accusation, il va tomber sur la tombe de, sur le cercueil de Galeot, justement, qui était mort à la fin du chapitre de la fausse Guenièvre, en fait. Et il est à deux doigts de se tuer lui-même, en fait, se suicider de douleur, mais finalement va décider de l'envoyer à la douloureuse garde pour qu'il puisse reposer avec lui une fois qu'il serait mort lui-même. Il va se planter avec l'épée, mais il y a une demoiselle de la Dame du Lac qui débarque et qui lui dit non, ne faites pas ça, et il dit ok, et dans ce cas il lui donne l'épée de Galeot à transmettre à Bort si elle le trouve, et ensuite il veut faire transporter le corps, mais il y a 5 chevaliers qui sont là pour garder le corps de Galeot et il les bat en duel. C'est une scène assez émotionnelle et violente, et il tranche des bras et des têtes, enfin il se bat contre ces chevaliers qui veulent défendre son corps jusqu'à ce qu'ils finissent par admettre leur défaite et à dire qu'ils vont le transporter à la douloureuse garde pour qu'il soit enterré, finalement enterré avec lui, en fait. Il veut juste, oui, il veut qu'après sa mort, bah il sait que sa tombe sera à la douloureuse garde, donc il veut l'être enterré là-bas avec Galeot. Il va donc se rendre chez Baudemagus, il va notamment délivrer la sœur de Mélagan, qui était la demoiselle qu'il avait aidée plus tôt, qui va être brûlée pour traîtrise, probablement parce qu'elle l'a aidée, en fait. Et puis finalement l'accusateur de la demoiselle est battu, et le chevalier rouge, qui était donc le cousin de Mélagan, qui va être révélé comme Argodras, je crois que c'est le nom du chevalier rouge, et Lancelot va apprendre que, en fait, Baudemagus ne sait pas encore que Mélagan est mort. Donc il va finalement battre d'abord, il va essayer de battre le chevalier rouge en le poursuivant, après que ce chevalier rouge ait volé sa propre monture et son armure. Il va rencontrer un chevalier noir qui va l'aider. Ils vont faire une promesse d'échange d'armure. Le chevalier noir va lui prêter son armure, mais à un moment, Lancelot devra lui donner la sienne. Et en fait, il va être aidé par c'est compliqué. Il va être aidé par un autre chevalier rouge, qui s'appelle Sir Aramante ce coup-ci, c'est assez confus parce qu'il y a ce Sir Argodras qui est poursuivi, et puis il y a un deuxième chevalier rouge qui arrive. Finalement il va donc avoir l'aide de ce chevalier noir, il va sympathiser avec le chevalier rouge également, et finalement il va se rendre à la cour de Baudemagus, qui ne le reconnaît pas parce qu'il porte l'armure du chevalier noir, et il veut pas être reconnu parce qu'il aime bien le roi Baudemagus, et il va simplement lui dire, il veut pas lui dire en fait qu'il a tué son fils, mais par contre Baudemagus a quand même déjà des suspicions. Il a battu, même si Lancelot va finir par se donner raison en battant Argodras en duel, donc comme tu le dis, celui qui bat le duel peut faire à peu près n'importe quoi, pour autant que son accusateur soit battu, et finalement Baudemagus va demander au chevalier noir qu'il suspecte être Lancelot d'envoyer quelqu'un d'autre lui annoncer la mort de son fils, parce qu'il veut pas l'entendre de la bouche de Lancelot, parce qu'il a trop d'estime pour Lancelot. Lancelot est un peu le type qui convainc, à part justement Méléagant et Argodras, tout le monde un peu dans l'aventure semble être très facilement tombé sous le charme de Lancelot, hein, que ce soit Baudemagus, que ce soit Galeot. Au final, il va revenir à la douloureuse garde, et il va envoyer un chevalier qui s'appelle Patrides pour annoncer la mort de Mélagan à Baudemagus. Et finalement, Lancelot retourne à la douloureuse garde, et il fait enterrer justement le corps de Galeot pour pouvoir reposer auprès de lui quand son propre temps serait venu. Et voilà, là se termine vraiment la partie qui est exclusivement, je dirais, qui est principalement concernée par les aventures de Lancelot, parce que la dernière partie va commencer à impliquer de plus en plus de chevaliers dans cette espèce de proto-quête du Graal qui prépare à la quête du Saint Graal. Mais ça, c'est clairement un élément. Par contre, tout cet épisode de la charrette qui semble un peu rajouté, non, tout ça n'apparaît pas, par exemple, chez Elspeth Kennedy, il me semble, qui s'arrête avec la mort de Galeot, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment le plus frappant, je pense, dans l'épisode de la charrette, c'est vraiment à quel point on est vraiment dans la ligne de Chrétien, alors qu'auparavant, pas vraiment, en fait. L'histoire de la mort de Lancelot, du père de Lancelot, et son éducation n'est pas donnée tellement chez Chrétien. Là, on rejoint vraiment le récit de Chrétien pour une partie centrale. Ouais. J'enchaîne peut-être maintenant avec l'aggravant, justement, ou la préparation, enfin, c'est pas toujours séparé de la même manière, mais Disons, on commence avec la quête de Lancelot par les 10. C'est-à-dire qu'il y a Gauvin et 9 autres chevaliers qui décident d'aller chercher Lancelot. Ils échouent, ils se retrouvent à la Croix Noire pour avouer leur échec. Gauvin et Hector arrivent à un tombeau, notamment parmi d'autres aventures, où il y a une épée plantée dans le tombeau avec la pointe vers le haut, mais ils n'arrivent pas à vaincre les épreuves du cimetière, alors que le fils de la Reine Douloureuse, que la luxure empêche d'accomplir la quête du Graal, pourra accomplir celle-ci, donc on voit que c'est Lancelot. Gauvin arrive au château de Corbenic, donc le château du Graal, justement. Une colombe et un encensoir... Une colombe qui porte un encensoir traverse la salle, donc il a cette vision. Une demoiselle qui porte un calice somptueux apparaît et les plats se remplissent de nourriture. Il est obnubilé, disons, Gauvin, par la beauté de la fille et il ne songe pas à poser de questions, du coup. La nuit, il doit affronter un nain, dormir dans l'hypérieux et combattre un chevalier. Il assiste de loin au culte rendu au Graal, donc il voit une espèce d'énorme lumière d'une pièce à laquelle il ne peut pas vraiment s'approcher pendant que le Graal est servi et qu'on enlève les voiles du Graal et il y a la lumière qui en ressort comme ça. Il se réveille dans une charrette et tous les passants l'insultent, donc il est un peu, voilà, il se réveille au loin en ayant échoué. L'action passe ensuite aux aventures d'Hector, qui tue un violeur en série, il libère la nièce de Benoïc, Yvain récupère un palefroid, puis un épervier qui a été volé à des demoiselles, Mordred, Agravain et Gaëret, donc les frères de Gauvin, accomplissent quelques exploits en essayant de retrouver Lancelot, même s'ils n'y arrivent pas. On raccorde avec le début du roman, Guenièvre envoie sa cousine en Gaule pour supplier Viviane de venir à son aide. Entre-temps, une messagère apporte à la cour de la part de Lancelot la bonne nouvelle de la guérison de Lancelot. Sauf qu'il tombe de nouveau malade en buvant une fontaine empoisonnée. Donc c'est l'épisode dont j'avais mentionné avant, la fontaine empoisonnée. Ils arrivent à lui rendre visite pendant sa convalescence. Une demoiselle amoureuse arrive à le soigner, s'attache, elle prend la ceinture que Guenièvre avait donnée à Lancelot, donc ça va plus tard déclencher la jalousie de la reine, une espèce de répétition dans l'épisode. Lancelot part avec Lionel, ils battent un géant, il se réveille un jour et il voit qu'il a été fait prisonnier par 3 vieilles, qui sont la reine de Sorestan, qui a pas vraiment de nom, Morgane et l'enchanteresse Sibylle, donc 3 sorcières, qui lui déclarent leur amour et disent « Ah bah si tu veux être libéré, tu devras choisir une de nous, haha !» Puis il a genre « Oh non !» Ces vieilles femmes, je suis fidèle à Guenièvre, je ne veux pas me donner à vous. Et c'est la fille du duc de Rochedon qui va le libérer, à condition qu'il lui évite le mariage avec le prétendant qui lui a été assigné, en fait, le frère de la reine de Sorestan. Mais donc, il tiendra plus tard parole en l'aidant. Au tournoi de la harpe, il apporte son soutien à Baudemagu, dont la fille est devenue nonne. Il arrive à Corbenic, il réussit à tirer une demoiselle d'une cuve brûlante, c'est-à-dire qu'elle était dans une cuve qui bouillait comme ça, et Gauvin n'avait pas réussi à le faire, et il parvient à tuer un serpent, donc des épreuves qui montrent qu'il est quand même... C'est assez intéressant qu'on soit avec Gauvin qui passe le premier au Château du Graal. Là, Perceval va apparaître dans l'épisode plus tard, mais là, c'est vraiment Gauvin qui a les premières aventures. Parce que Perceval est trop jeune pour l'instant, on va voir plus tard l'arrivée de Perceval à la cour, à la toute fin de la Gravin, justement. On voit que Perceval a genre 15 ans quand il arrive à la cour, à peu près l'âge où Lancelot y était, mais il est plus jeune. Et ça pourrait donner, pour moi, ça donne un peu de crédit quand même à l'idée qu'à la base, il y avait vraiment, ça enchaînait sur un Perceval. On pouvait enchaîner éventuellement sur l'idée que Perceval était le héros du Graal après, quoi. C'est surtout cet aggravant après, ou qu'il y avait des velléités en tout cas de rétablir Perceval dans le héros du Graal. Qu'en fait, ça aurait été un truc que Perceval aurait été conçu secrètement par Lancelot des générations avant, ou je ne sais pas quelle bêtise. Donc, il voit le cortège du Graal aussi, mais il ne questionne pas le roi Pélès qui héberge la cérémonie. Et la porteuse du Graal, la fille du roi, Hélène, c'est prendre lui, elle veut coucher avec lui, elle lui fait donc boire un filtre qui a été préparé par sa gouvernante Brisane, donc les gouvernantes intrigantes encore, ce qui fait que Lancelot la prend pour Guenièvre, c'est-à-dire qu'on lui dit « Ah, oh, il y a une cabane là-bas, pas loin d'ici, où il y a Guenièvre qui va passer la nuit », et Lancelot y croit, et la nuit il couche avec Hélène, et c'est Galad qui est ainsi engendré. Quand il se réveille, Lancelot est à 2 doigts de la tuer, en fait, parce qu'il se rend compte qu'elle lui dit « Oh non, elle m'a écarté de ma fidélité à Guenièvre », et comme il avait été mis à l'épreuve par une dame de Morgane aussi, qui le tentait, et à chaque fois Lancelot est à 2 doigts de la trancher en rondelles, et puis il se dit en fait c'est peut-être pas très courtois, mais il est pas vraiment serein et plutôt violent de ce côté là Lancelot sauve la demoiselle qu'il avait guérie de l'eau empoisonnée. Il apprend qu'Hector est son demi-frère parce que c'est le fils naturel du roi Ban, parce qu'il avait donné une espèce de bague ou quelque chose pour qu'on puisse le reconnaître quand il est grand. Yvain lutte contre Bord sans le reconnaître. Il refuse le baiser d'une vieille, ce qui provoque le malheur du pays, donc ça c'est peut-être lié à certains mythes irlandais ou gallois, où on a justement une vieille qui veut se faire embrasser, puis généralement quand on l'embrasse elle devient belle, donc on avait vu la femme du... c'était quoi, dans le Perceval en prose, dans la seconde continuation, il y avait le... le motif de la Loathly Lady, tu veux dire. Voilà, là, ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans. Sa femme est laide, mais elle on apprend que c'est un enchantement à la fin ou quelque chose. Ouais, il y a quelque chose aussi dans le conte de la femme de Bath chez Chaucer, plus tardivement, le mariage de Sir Gawain et de Dame Ragnell, en anglais toujours. Ça, c'est un motif assez, assez récurrent, effectivement. Il y a Bohort qui assiste au cortège du Graal, que porte plus la fille du roi Pélès. Bohort est un personnage assez central dans la quête du Graal, ce qui est assez intéressant en fait. Il est assez logique finalement, parce qu'il est lié, il est de la lignée de Lancelot aussi. Il y a une proximité assez forte avec les deux. C'est marrant parce que si vous avez l'image moderne de Bohort par exemple Kaamelott, ouais, où Bohort n'est pas forcément un des grands chevaliers, alors que vraiment dans la version en prose, surtout, il joue un rôle assez permanent, quoi. Et Lionel aussi. Il est vierge sauf pour une fois où une dame lui a mis un anneau qu'il a enchanté et a couché avec lui, et il a engendré un personnage qui sera plus tard, on apprend, empereur de Constantinople. Mais c'est la seule fois, comme Lancelot, il s'est fait arnaquer, il s'est fait tromper pour avoir du sexe. C'est marrant, on pourrait techniquement chaste. Tu pourrais parler des problèmes de consentement et justement de. Ah non, clairement, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. On en parlait quand on parlait de King Arthur il y a un mois. C'est un élément qui est assez récurrent finalement. Est-ce que l'autonomie corporelle est quelque chose qui est interrogé là-dedans? La question de l'autonomie est interrogée pas du tout de la même manière pour les hommes et les femmes. C'est surtout justement quand l'autonomie d'un homme est mise en question ou est passée outre par des enchantements que là, il y a vraiment un problème. Les femmes, c'est un peu moins... Voilà, c'est ça. Ils font pas la réflexion jusqu'au bout, j'ai l'impression. Lancelot arrive dans un des épisodes qui, à mon avis, est un des plus drôles. C'est qu'il arrive dans une espèce de carole enchantée où il y a des gens qui chantent et qui tapent du pied et qui tapent des mains et qui dansent en cercle, et il est avec un valet, puis ils doivent aller faire des diverses quêtes, et puis il se fait avoir par cet enchantement et il se met à chanter et à taper des mains et à danser comme frénétiquement dans le cercle en chantant « Ah, qu'il est beau d'avoir des amours !» Et donc il y a une chanson qui est un peu un thème là-dessus. Lancelot réussit à briser le sort quand il est mis sur un trône et couronné, puis on apprend que le sort avait en fait été mis en place du temps de son père ou quelque chose, et qu'en fait la couronne lui revient, c'est la couronne de Ban qui a été apparemment enchantée ou maudite à ce moment-là, et la statue d'un roi tombe du haut d'une tour en se brisant, ce qui fait que le maléfice se rompt. Il gagne également une partie à un échiquier magique, c'est un échiquier qui joue tout seul, comme on a déjà vu dans la seconde continuation de Perceval, ou le Perceval en pro, un échiquier qui joue tout seul. Il arrive à le battre, et ensuite il le fait envoyer à la cour comme cadeau à Guenièvre, et tout le monde se fait battre à la cour, même Guenièvre, dont on nous dit que d'habitude c'est la meilleure aux échecs. Donc ça laisse entendre que Guenièvre est la deuxième meilleure aux échecs, juste après Lancelot, qui est le plus fort. Dans le classement des grands maîtres. C'est très drôle, parce qu'à chaque fois que quelqu'un joue à l'échiquier, quand il arrive à la cour, tout le monde se fout de sa gueule quand il se fait battre, et quand Guenièvre échoue, tout le monde se marre et dit qu'elle est nulle. Ils sont pas très charitables avec ça. C'est pas les plus cordiaux avec leur personnage féminin dans la version en prose, disons. Donc il se fait tabasser, fouetter et jeter par 30 chevaliers qu'il jette dans un puits où il y a des couleuvres dedans. Puis il y a cette idée médiévale où s'il y a un serpent dans un puits, le puits est empoisonné. En fait, le serpent exude du poison en permanence. Il se fait sauver par une dame qu'il sauvera plus tard. Il envoie une lettre à la reine qui lui dit qu'il faudrait qu'il participe à un tournoi où il va se battre avec Baudemagu. De façon plus ou moins incognito, donc c'est le motif, jusqu'à ce qu'Arthur lui demande de révéler son identité, et la joie est grande à la cour en dépit des blessures de Gawain et de l'humiliation de tous les autres chevaliers de la table ronde, où tout le monde s'est fait un peu battre par ce chevalier mystère qui se trouve être Lancelot. Et on voit peut-être déjà une certaine animosité de la cour contre Lancelot, où Lancelot, c'est ce type qui bat tout le monde, il est trop parfait, il est trop bien, et il y a une certaine envie de la part des autres chevaliers qui va jouer un rôle lors de la mort du roi Arthur, et qui peut expliquer une partie, disons, de l'animosité qui anime la vendetta. Lancelot dicte ses aventures, donc il y a des espèces de paliers où quand des gens sont réunis à la cour, puis Arthur dit « Ah, il faudrait qu'on mette ses aventures par écrit pour la mémoire », qui font des espèces de pauses dans le récit, ce qui est le cas là. Lancelot part à la recherche d'Hector et Lionel, il y met Mordred, d'autres chevaliers enlevés, il massacre un chevalier brigand et un vilain qui lui réclame le prix d'un péage, malgré sa noblesse, donc là il y a l'idée que « Non mais quand même, je suis un chevalier, je vais pas payer d'impôts », donc vous avez le petit pamphlet sur le fait que les chevaliers ne devraient pas payer d'impôts. Il tombe de nouveau sous l'emprise de Morgane, qui veut vraiment ruiner sa relation avec Guenièvre, qui l'enferme dans une maison forte. Et par là, il y a un des épisodes qui présage la suite, en fait. C'est qu'il voit un artiste qui dessine l'histoire d'Aîné dehors. Et il se dit, tiens, je vais je vais peindre mon histoire sur les murs de ma geôle. Et il se met à peindre des épisodes de ses aventures sur les murs pour passer le temps pendant qu'il est fait prisonnier. Et il peint notamment son histoire d'amour avec Guenièvre. Et Morgane se dit bingo, parce que ça, elle a une preuve, littéralement une confession visuelle de Lancelot sur le mur. Je pense que c'est la première occurrence de ce motif où quelqu'un est en prison et dessine une femme sur le mur et se met à l'embrasser pour. C'est parce qu'il fait littéralement ça, il embrasse les effigies de Guenièvre qu'il a dessinées. Plus tard, dans La Mort, le roi Arthur, en fait, Morgane montrera ses peintures à Arthur comme une preuve de la trahison de Lancelot. Après avoir combattu Marabon, il délivre Lionel, il se rend à l'abbaye de Skellig sur la marche d'Écosse, il libère Gauvin, enfin, tout le monde passe son temps à libérer tout le monde qui se fait faire prisonnier bêtement par d'autres gens. Il n'arrive pas à faire cesser de bouillir la tombe, la fontaine où la tête de son grand-père est, en fait. Il tue les deux lions qui gardent sa tombe, mais sa tête, parce qu'elle a été décapitée, a été jetée dans une fontaine et l'a fait bouillir, et il n'arrive pas à l'arrêter. Du coup, il la jette un peu de côté. Enfin, il arrive à moitié à libérer l'enchantement, puis il fait « Ok, bon, il laisse ça en plan. Ce sera pour Galahad. » Et il apprend de Saras, un chevalier de la cour d'Arthur, que la fille de Pélès a mis au monde un enfant qui achèvera la quête du Graal, et il se rend compte que c'est son enfant, probablement. Entre-temps, Claudas de la Déserte a jeté en prison la messagère de Guenièvre. Pourquoi ? Parce qu'il pense qu'elle vient soulever le pays contre lui. Il pense... Claudas, vous vous souvenez, hein, pour le grand méchant du début. Une heure à peu près qu'on est en train de parler de ça. C'est le méchant du début. Hein. C'est l'ennemi du roi Ban, celui qui a pris le contrôle des royaumes de Gaune et de Benoît. Donc, les royaumes de Hector, Lionel, Lancelot. Et techniquement, Hector démarre, puisqu'il est le demi-frère de Lancelot. Il répondait de manière insolente à Lancelot. Lancelot libère Mordred et guérit un chevalier Perclus à Lithière, et il a une vision où il voit un cerf suivi de quatre lions qui apparaît deux fois, il le suit. Mordred dit qu'il s'en fout un peu, mais Lancelot est là, oh, il faut que je sache de quoi il retourne. Un religieux fait une prophétie que j'ai aussi illustrée, où il dit à Mordred, il parle de sa naissance illégitime et il lui dit, ah mais tu crois que le roi tu crois que ton père, c'est le roi Lot, mais en fait, pas du tout. Ton père, c'est Arthur. Enfin, il le dit à demi-mot, en fait, que son père, c'est Arthur et qu'il est le fruit d'une naissance incestueuse. C'est jamais dit explicitement, mais on arrive très vite à mettre les pièces ensemble. Et il dit qu'il sera la cause de la perte de la chevalerie et que c'est lui qui conduira à la chute du royaume arthurien. Mordred dit « Ah, une... » Il dit « Et d'ailleurs, tu me tueras moi-même. » Et puis Mordred dit « Oh, au moins une de vos prophéties sera vraie parce que je vais effectivement vous tuer. » Et il le tue. Lancelot dit « Mais c'était pas légitime de faire ça. » C'était Et Lancelot, en fait, après avoir entendu cette prophétie, hésite pendant un instant à tuer Mordred, mais il le fait pas par affection et amour pour Gauvin, qui est son frère, en fait. Et il a un moment où il hésite, parce qu'il voit la prophétie, il se dit « Je pourrais mettre fin à tout ça, mais il y croit pas. » Et en fait, il va mettre Guenièvre au courant de la prophétie et tout ça, mais elle le croira même pas elle-même, en fait. Jusqu'à ce que la prophétie se déroule, Guenièvre et Lancelot seront extrêmement sceptiques sur le fait qu'elle va se réaliser. Et il y a quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là, en fait. Mordred est blessé, Yvain l'escorte à la cour, enfin il y a plein de choses qui se passent. Bort arrive de nouveau à Corbenic, il renverse Corbenic, le château du Graal, hein, château du Graal, pour ceux qui suivent pas toujours. Il renverse un type qui était amoureux de la fille de Pélès et qui voulait pas le laisser accéder au château. Une fois à l'intérieur, il rencontre Galahad, donc en tant qu'enfant. On voit le temps qui passe, justement on voit Galahad qui a grandi. Il contemple pour la seconde fois le cortège du Graal et il se tire mieux que Gauvin des épreuves. Donc c'est quand vous êtes la nuit au château du Graal, il y a des nains et des trucs qui vous attaquent, mais là il se débrouille mieux. Dans la forêt, Lancelot décapite un chevalier qui avait assassiné une demoiselle devant lui. Il dort dans un pavillon où Queux vient se réfugier. Le lendemain, il se trompe et il prend les armes de Queux. Et du coup, tout le monde le prend pour Queux pendant qu'il se balade. Et il désarçonne Sagremort, Yvain et Gauvin, qui l'attaquent en croyant que c'est quelqu'un qui a tué Queux, en fait. Ils pensent, ils sont là, ah, il a pris. Ça peut pas être Queux, il est trop bon. Franchement, il y aurait matière à en faire une série très. Everybody hates Queux. Il y aurait beaucoup de matière à faire une série très humoristique, un drame humoristique un peu. Mais tu ferais ça sur M6, ça durerait 3 minutes 30 entre juste avant l'épisode des séries du soir. Je sais pas. Comment tu ferais ça? Non, je pense franchement qu'en fait. Il y a un côté beaucoup plus slapstick, en fait, quand tu lis les textes par rapport à la comédie. Alors, effectivement, par moment, t'es un peu dans cette comédie, ce qui est intéressant dans Kaamelott, ça pourrait être une sitcom à la Brooklyn Nine-Nine, en fait, je pense, parfaitement. Être un espèce de truc juste sur le rythme de ce genre de comédie qui est très mécanique, hein, qui est pas forcément très, qui se renouvelle pas beaucoup, mais ça marche très bien avec ça, je pense. C'est que dans Kaamelott, en fait, c'est l'irruption d'un humour qui n'est pas spécialement arthurien à la base. Oui. Alors que là, une sitcom, comme tu dis, ça se prêterait tout à fait très bien à ça. Puis aussi, Kaamelott, c'est français, alors ils passent leur temps à bouffer, donc voilà, c'est ça aussi. Beaucoup plus d'ailleurs que dans la. Écoutez les, notre les discussion avec Justine Breton sur, où l'on parle de Kaamelott et de son dans livre notre, sur Kaamelott. Dans notre dernière série numéro 2. Revenant donc au récit on de Blanche. On raccroche avec l'histoire de Clodas qui avait introduit l'histoire, c'est que Brumon l'Orgueilleux, qui est un vassal de Clodas, vient s'asseoir sur le siège périlleux, mais il est frappé par la foudre et basiquement dissous par Dieu parce qu'il n'avait pas le droit de s'asseoir sur le siège. Et un autre envoyé de Clodas se dit wow, c'était pas terrible. Et du coup, Guenièvre met au courant Lancelot des injures de Clodas qui lui a manqué de respect et a emprisonné une de ses émissaires. Et Lancelot se décide à aller combattre et Arthur l'aidera. Mais Clodas obtient l'alliance de Rome, donc vous avez déjà un présage de la guerre d'Arthur contre Rome, parce que Clodas est allié avec Rome, et du coup il y a cette guerre en Gaule, cette campagne en Gaule, où les Bretons débarquent en Flandre et ils remportent des victoires, Baudemagu est blessé, fait prisonnier par un autre fils de Clodas, grâce à Bohort, les chevaliers réussissent à s'emparer du château du corps, ils assiègent Gaune, qu'une armée romaine essaye de briser le siège, la bataille s'engage. Clodin est fait prisonnier, on l'échange contre Baudemagu, donc un échange de prisonniers. Arthur décide de traverser la Manche pour conquérir la Gaule et la donner à Lancelot, en dépit des prétentions de Frôle d'Allemagne. Et il tue Frôle d'Allemagne en combat singulier, ce qui est un présage de son combat contre le roi de France. Mais il réussit à faire donner. Il réussit à recevoir ses villes pour lui, mais Lancelot et ses parents refusent d'y régner parce qu'ils veulent continuer à être chevaliers errants, en tout cas pour un moment. Mais donc, le nord de la Gaule vient sous la domination d'Arthur. Donc vous avez un peu c'était normalement dans l'histoire Rea Regum Britanniae, c'était vraiment la fin du royaume arthurien où il faisait ses conquêtes. Bah là, en fait, ça se passe avant la quête du Graal. Avant même ça, vous avez Arthur qui met un pied sur le continent. Ce qui nous amène à l'entrée en scène du troisième trio qui va conquérir le Graal, c'est en fait Perceval. C'est assez proche de ce qu'on avait chez Chrétien, même si un petit peu différent. Aglovale rend visite à sa mère. Donc le frère de Perceval, frère de qui Perceval. Est intervenu déjà au début de l'épisode d'Agravin. Puis il voit Perceval, apparemment il ne le connaissait pas plus que ça, il le voit et il se dit oh, on devrait peut-être aller le faire adouber. Mais il y a une espèce de subtilité, c'est-à-dire que Perceval quitte, il dit oh, je vais accompagner Aglovale à la cour d'Arthur, je vais l'accompagner sur le chemin, mais je reviendrai ce soir. Et au fur et à mesure du chemin, Aglovale commence à dire à Perceval ouais, mais si tu fais demi-tour maintenant, t'arriveras pas à temps ce soir chez nous. Et il devient de plus en plus clair qu'en fait, Perceval a pris la décision d'abandonner sa mère en sachant plus ou moins l'effet que ça aura sur elle. Et ben, elle meurt en fait, elle comme, meurt, dans, en fait. Comme dans Perceval. Il est plus coupable parce qu'il est pas aussi niais que Perceval et que le Perceval de Chrétien. Là, Perceval joue un peu avec la limite où on se dit ah il fait que d'accompagner Aglovale et puis finalement il se dit en fait non je vais à la cour et je me fais adouber et alors qu'il sait la conséquence que ça aura. Puis à la cour une fille que tout le monde croit muette trouve la parole le temps d'inviter Perceval et Bohort à s'asseoir à droite et à gauche respectivement du siège périlleux qui est réservé à Galahad, donc tout est prêt pour accueillir Galahad et on va même ça annonce déjà la fin de la quête en fait. Perceval va quand même être un des héros du Graal même si c'est pas lui le personnage central. Et Bohort, bah, de par sa lignée, est aussi destiné à ça, en fait. C'est assez intéressant que Bohort le soit, mais pas Lancelot. D'ailleurs, Perceval va devoir prouver sa valeur. Notamment, il va faire un combat singulier contre Hector Desmarres. Ils vont tous les deux manquer de mourir, mais c'est le Graal, finalement, qui va les guérir. Oui, c'est franchement super drôle. C'est une espèce de double chaos où ils sont les deux en train de se vider de leur sang. Ils sont là, c'est quand même un peu bête. Et heureusement, il y a un ange qui descend du ciel avec le Graal, et puis, boum, ils sont magiquement guéris. Ouais, parce que Perceval, évidemment, doit être vivant pour le Graal. Et on arrive vers la fin du récit et le retour d'Hélène en fait. Le retour d'Hélène, c'est-à-dire que Lancelot est encore abusé par Brisanne, la gouvernante d'Hélène. C'est-à-dire que elle vient vers lui, elle lui dit venez, madame veut coucher avec vous. Et il pense qu'en fait elle parle de Guenièvre parce qu'apparemment il la reconnaît pas ou il pense que c'est une dame de Guenièvre. Et du coup il l'accompagne cette nuit-là, mais elle l'amène dans le lit d'Hélène et il croit que c'est celui de Guenièvre. Et puis ce qui se passe, c'est qu'en fait ils sont tous dans la même chambre parce qu'ils sont tous invités à la cour d'Arthur. C'est comme dans, et du coup il y a Guenièvre qui entend Lancelot en train de batifoler avec Brisanne. Là, je reconnaîtrais cette voix entre mille. Elle se met à tout sauter et Lancelot reconnaît la toute Guenièvre. Il se redresse, genre, ah, il comprend tout ce qui s'est passé et il devient fou et il s'enfuit dans la nature de nouveau avec un accès de frénésie. Guenièvre le chasse de la cour en fait. Quand elle se rend compte qu'il est là, elle l'attrape, elle lui dit ah, vous m'avez trompé, partez d'ici. Elle l'envoie au diable. Tout le monde dit d'ailleurs qu'elle a été trop sévère avec Lancelot et puis que c'est de sa faute s'il est devenu fou. Puis on dit, ouais, bon, enfin, on présente ça comme étant de la faute de Guenièvre alors que c'est pas forcément évident. Et il mène une... Il est guéri à Corbenic parce qu'il arrive là-bas comme un fou errant et il est guéri par l'apparition du Graal. Il rencontre alors Galahad qui est tout jeune garçon et donc c'est vraiment la fin du Lancelot où on voit véritablement ce Galahad qui a grandi. Donc toute la deuxième partie du roman, on voit vraiment la conception et les gens voient Galahad par intermittence qui est élevé à Corbenic un peu hors du monde. Bort le voit enfant, Lancelot le voit adolescent et on voit qu'il va arriver très prochainement à la cour. Juste après, le roman se finit avec Lancelot qui revient à la cour et qui est pardonné par Guenièvre. Donc cette dernière acte, cette folie est un peu, disons, on l'a déjà vu exactement la même succession d'événements et en plus c'est résolu immédiatement. Donc c'est vrai que quand on arrive à ce stade-là, on se dit bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire narrativement? Mais on a véritablement, c'est là-dessus qu'on conclut et qu'on va pouvoir immédiatement enchaîner sur la quête du Graal. Et je pense que c'est assez évident que cette dernière partie a vraiment été rédigée en dernier pour raccorder à la fin du cycle. On n'est pas... Parce qu'il n'y a pas de fin. Émotionnellement, c'est pas du tout la même chose que la mort de Galéo, par voilà. exemple. Même le rajout de la quête de la charrette, par exemple, fait très semble être là juste pour renforcer. La liaison avec Chrétien, mais autrement il n'y a pas le même cœur narratif en fait. C'est la conclusion logique de plusieurs lignes qui sont lancées dès le début, typiquement le retour de Lancelot dans son pays, la reconquête du pays de Gaune et de Bénoïc des mains de Clodas, mais tout ça n'est finalement pas traité avec la même intensité émotionnelle. C'est pas un arc narratif très satisfaisant en fait, la fin du récit. Ça a vraiment une fonction très particulière qui va conduire finalement à cette structure un peu étrange en fait de la fin du récit. Je pense qu'on peut, parmi les remarques conclusives qu'on peut donner là-dessus, je dirais que pour un lecteur moderne, c'est quand même une œuvre qui est assez exigeante, peut-être parce que je trouve que les aventures des chevaliers individuels qui sont donc à 15 en train de se courir les uns après les autres, à se libérer, à se faire enfermer à tour de rôle, elles sont pas inintéressantes. Mais le truc, c'est que quand vous lisez les arcs globaux de l'histoire et que ces arcs sont là pour vous maintenir en intérêt pendant que vous avez toutes ces aventures qui se produisent, le lecteur moderne, il a tendance à très vite fatiguer, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez la version abrégée de Micha, justement, où on se concentre vraiment sur l'histoire d'amour entre Lancelot, Guenièvre, l'histoire de Galéo, et où on raconte très très brièvement les aventures des autres chevaliers, ça fonctionne beaucoup mieux pour nous parce que c'est vraiment le cœur de l'œuvre. Et toutes les histoires, tous les épisodes qu'il y a entre deux sont pas vraiment mauvais, mais comme vous attendez des détails, vous attendez que l'histoire avance, en fait, c'est assez difficile à engranger tout ça, et parfois un peu frustrant, quoi. C'est aussi difficile de vous rendre, je pense, l'intérêt de l'œuvre profond, qui est aussi sa prose. C'est bien écrit, on n'est pas face à une prose extrêmement mauvaise, ou lourde, ou pénible. La prose en elle-même n'est pas mauvaise, le texte est plutôt satisfaisant en fait pour un texte en prose. C'est pour ça aussi que c'est considéré comme un chef-d'œuvre, parce que la prose est légitimement bonne. Il y a plusieurs moments, on les a pas trop mentionnés parce que ça se glisse pas dans le film, mais il y a beaucoup de moments lyriques ou poétiques ou même un peu philosophiques qui sont extrêmement beaux. Il y a des discussions typiquement qui sont pas vraiment mises en pratique, mais par exemple il y a une discussion entre Lancelot et la Dame du Lac sur le fait que tous les hommes descendent d'Adam et Ève, et donc il y a pas d'hommes qui viennent d'un lignage supérieur à un autre, une espèce d'égalitarisme chrétien ou d'universalisme chrétien qui est un peu mis en péril par le fait qu'il y a littéralement des lignées élues de Dieu qui doivent accomplir des quêtes de Dieu. Mais il y a quand même 2-3 discours entre Lancelot et la Dame du Lac sur la nature de la chevalerie qui sont assez intéressantes, qui sont un peu contredites par la quête du Graal et le besoin d'une chevalerie spirituelle. Mais voilà, il y a des discours un peu bien sûr conservateurs féodaux où on dit à Lancelot: ah mais le chevalier doit être sur son cheval, doit être sur le peuple comme il est sur son cheval en fait, il doit chevaucher le peuple et le peuple doit servir et entretenir le chevalier. Il y a des passages assez intéressants quand Guenièvre se lamente et quand elle est justement bannie du royaume et qu'elle se lamente de son péché et qu'elle veut plus coucher avec Lancelot. Il y a toutes les problèmes, ces espèces de problèmes moraux à 8 ans de couche quand Lancelot est avec une dame qui doit le soigner mais qui est en train de mourir parce qu'il ne réciproque pas son amour et donc il doit le réciproquer pour qu'elle puisse rester en vie assez pour le soutenir. Puis du coup il y a, je crois, Lionel qui lui dit: oui mais si vous vous laissez mourir, Guenièvre va mourir aussi et vous pouvez pas faire ça, donc vous devez réciproquer son amour. Enfin, ces espèces de 8 ans de couche de parfois un peu absurde et comique de complexité morale amoureuse, sont assez intéressantes. Pas mal d'éléments fantastiques, justement les donjons que Lancelot doit libérer, les tombes. Le moment où il trouve la tombe de Siméon, je trouve assez touchant finalement, parce que c'est un message assez inspirant qui est, ouais, Lancelot n'est pas le plus fort des chevaliers, c'est pas le meilleur, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de faire quelque chose qui a de la valeur. Il y a énormément de moments qui sont à mon avis très, très intéressants et qui restent en tête et qui peuvent vraiment être une source d'inspiration pour la suite, même si en termes de dosage, on peut certainement faire mieux que ça. C'est pour ça que c'est assez paradoxal. En fait, on vous a essayé de vous le résumer du mieux qu'on peut, mais notre résumé, contrairement à un résumé d'un roman de chrétien, par exemple, est nécessairement beaucoup plus imparfait, en fait. C'est pour ça que si vous voulez vraiment avoir l'expérience du Lancelot Graal et du Lancelot propre, surtout, il faut vraiment le lire vous-même. Mais paradoxalement, justement, c'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile de lire le Lancelot en prose parce qu'il est beaucoup plus long, parce qu'il est beaucoup plus pénible, parce qu'il est beaucoup plus lourd que, par exemple, de lire Le Chevalier à la Charrette ou de lire même Le Conte du Graal. Même les continuations de Perceval sont plus simples à lire, je trouve. Donc, c'est assez ironique, finalement. On n'arrive pas vraiment à vous rendre toute la beauté et l'intérêt de ce texte avec un petit résumé. Mais d'un côté, vous n'allez peut-être pas vouloir justement vous plonger dans ces 5 volumes des Lettres Gothiques ou dans ces 2 volumes, ce volume et demi de la Pléiade, juste pour ça, quoi. Mmh. Et c'est un peu dommage, finalement. On a réussi à garder cet épisode relativement court, finalement. On est autour des 2 heures. Je trouve que c'est relativement long pour un épisode, pour un texte individuel. Mais vu la taille du récit, je suis assez épaté qu'on ait parvenu à tenir là-dedans, comparé aux 3 heures qu'on a consacrées à Merlin, ouais, par exemple. Mais d'un autre côté, voilà, c'est parce que ce récit ne peut pas. On pourrait prendre 4 heures et on ne serait pas beaucoup plus avancé, je pense. On aurait pu vous résumer le truc beaucoup plus littéralement, vous passez beaucoup plus de temps, vous aurez peut-être pu comprendre un peu toutes les... On a fait des références peut-être un peu abortées, qui vont être... Ouais, on a fait ça un peu dans le désordre et pas complètement, et c'est vraiment un carnage, mais on peut pas... Voilà, on pourrait passer 5 heures dessus et vous n'aurez pas une idée beaucoup plus claire, en fait, du voilà. Récit. C'est un peu un de ces récits à fractal, comme ça, qui vont être... disons, de se développer de plus en plus vous plongez dedans. Vous pouvez choisir de résumer le truc dans les grandes lignes, comme on l'a fait, tout en insérant quelques petites aventures qui se passent quand elles sont intéressantes, mais vous pouvez toujours découvrir une sous-aventure, une rencontre avec une autre demoiselle, un autre problème qui intervient, à l'intérieur même d'une sous-quête, en fait. Donc, ça reste assez difficile à faire justice à ce texte, je pense. On a essayé du mieux qu'on a pu, et je pense qu'on a pu explorer les thèmes et les aboutissants, et vraiment le côté charnière de ce texte fondateur, en fait. C'est assez facile de comprendre comment on a pu greffer et comment on a pu vouloir ajouter des tas de trucs dessus, en fait, parce qu'il s'y prête assez bien. Il y a beaucoup de personnages qui interviennent, il y a des thèmes assez globaux, il y a pas mal de grandes idées qui y sont discutées, et le fait que ce soit en prose se prête bien justement à y rajouter justement et à le prolonger, en fait. Moi, il faut souligner que par rapport aux continuations de Perceval, au Perceval en prose, au Per Lesvos, c'est l'œuvre c'est le cycle qui va vraiment continuer la tradition des romances, des histoires d'amour qui étaient vraiment essentielles. On a vu avec Marie de France, on a vu avec l'histoire de Tristan et Iseult, on a vu avec Chrétien de Troyes avant ça, que c'était une part essentielle de ce type de littérature, et que dans les œuvres qui sont vraiment centrées sur Perceval, et dans la quête du Saint Graal aussi, ça passe vraiment au second plan. Et le génie du Lancelot, je dirais, c'est d'avoir mis ensemble l'histoire d'amour de Lancelot et Guenièvre, en opposition avec la quête du Saint Graal qui est vraiment spirituelle, et d'en faire en plus le ferment de la discorde qui va mettre fin au royaume arthurien. Et ils ont vraiment mis ensemble le versant spirituel du conte du Graal qui a été plus ou moins inauguré par Chrétien, les continuations, la tradition des romances, les histoires d'amour, et la tradition de la chute du royaume arthurien dans des batailles. Et ils vont vraiment assembler les trois ensemble, et c'est vraiment... Quand on pense légende arthurienne, généralement, aujourd'hui, les fans actuels de légende arthurienne, c'est ça qu'ils adorent, en fait. Cette combinaison des trois. Et je pense qu'effectivement, c'est là que c'est intéressant, c'est que, d'une façon que le Perceval en prose du manuscrit de Modène, par exemple, ne parvient pas du tout à le faire, en fait. On n'est pas du tout dans cette dimension multiple. Cette croisée des chemins qui fait aussi un peu qui rend le texte compliqué. Faut pas le nier, c'est pas avant, je pense, Mallory, et même encore avec Mallory, on n'arrive pas à une condensation satisfaisante, je pense. C'est vraiment au XXe siècle qu'on parviendra à commencer à envisager de faire suffisamment de coupes pour avoir une continuité simple, mais qui combine les trois éléments dans des dimensions relativement abordables. Et encore, souvent, en sacrifiant une des trois, le Graal, par exemple, souffre souvent d'une absence ou d'un moins grand traitement par rapport aux histoires de Lancelot et aux histoires de la chute d'Arthur, en fait. Peut-être aussi parce que c'est le truc le plus difficile à réinterpréter de façon historique si on... Ça on pourra peut-être, on discutera plus en long dans la quest del Saint Graal, je pense, mais je pense qu'il y a quand même assez intéressant. Je vais peut-être essayer de faire un petit florilège des passages que j'ai préférés, qu'on vous mettra peut-être en lien quand je l'aurai fait, parce qu'il y a quand même 2-3 passages que je trouve quand même assez intéressants. Je l'ai mentionné très vite en passant, c'est celui où Gallo par exemple essaye de voir son destin, de voir combien de temps il lui reste à vivre, et il fait appel à une espèce d'astrologue sorcier expert de ce côté-là, et l'astrologue lui dit ok, il dessine des cercles au charbon sur les murs et ils font une espèce de rituel, puis il y a une espèce d'énorme bras armé avec une épée qui rouge qui vient frapper et effacer une partie des cercles, et ça lui dit combien de temps il reste à vivre. Et il dit, c'est assez intéressant, que quand Arthur a voulu interpréter son propre rêve plus tôt, il dit « Ah, j'étais... Il ne pouvait trouver la clé de ses songes. Tous les sages clairs se précipitèrent vers ce livret. Ils ouvrirent une armoire qu'ils conservaient, car j'étais à cette époque à Rome. Celui qui ouvrit l'armoire pour interpréter le songe du roi fut imprudent. Ignorant le sens et la vertu de cet écrit, pendant sa lecture, il perdit la vue, la raison et le pouvoir de ses membres. » Donc vous avez une espèce de livre lovecraftien d'astrologie, cette idée déjà là de que la sorcellerie vous fait perdre la raison quand vous essayez d'en percer le secret sans être préparé. Un espèce de Elder Scroll aussi. Ce genre de motifs-là que je trouve quand même assez riches et qui ont eu un succès assez grand, mais qui ont entièrement leur place là-dedans et qui colorent vraiment ce récit-là, mais c'est difficile à donner dans le résumé global, quoi. Parce que ça prend souvent place dans les épisodes les plus secondaires possibles, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a une dimension que, bah, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire justice vraiment aux Anglais diraient les nooks and crannies, les petites richesses architecturales, les petits raffinements, les petits détails qui sont nécessairement perdus dans un résumé aussi bref qu'on l'a fait. Et pourtant, notre résumé dure pratiquement une heure. Hein. Mm-hmm. On a quand même pris le temps. Oui, on s'est quand même contenu. Je suis assez fier de nous par rapport à d'autres œuvres. Mais on va gentiment conclure ici. Avant de conclure véritablement cette œuvre, je voulais encore faire une annonce d'ordre plus général. On vous a souvent conseillé le Oxford Guide to Arthurian Literature and Legend. Il y en a un peu lamenté qu'il n'y avait pas forcément de référence en français. Mais récemment, j'ai pu lire La légende du roi Arthur de Martin Aurel. Et ils le vendent pas forcément comme ça. Mais en fait, je pense que c'est un des livres les plus systématiques qu'on a qui examine la légende arthurienne du début jusqu'à plus ou moins la fin, qui résume basiquement toutes les œuvres. Il y a un résumé du Lancelot dedans, de la quête du Saint Graal, etc. dedans. Il parle des œuvres italiennes, germaniques, il parle des débuts gallois, extrêmement complet. Il devrait, à mon avis, le vendre plus comme un guide systématique et peut-être sous une autre forme, mais en tout cas, un assez bon livre. Juste une critique sur sa qualité matérielle, l'encre déteint sur mes doigts. Donc si je touche le texte avec mes doigts, j'ai les doigts noirs dessus, je sais pas pourquoi. C'est assez... Les livres de poche imprimés de mauvaise qualité, c'est malheureusement... Et puis bon, c'est un livre de poche, mais en tout cas, on peut quand même vous conseiller ça. On devrait peut-être faire une page bibliographie conseil global. Exactement, pour les ouvrages plus généraux. Ça peut être un peu de pub. Je pense qu'on va conclure là-dessus pour cette semaine. On vous retrouvera, enfin cette semaine, ce mois, on vous retrouvera la prochaine fois pour la quête du Saint Graal, où on va cette fois-ci justement voir Bort, Perceval et Galahad trouver le Saint Vase et quel est son secret dans le cycle du Lancelot Graal. Et on peut juste vous rappeler en dernière instance peut-être la dernière émission de la saison à laquelle Antoine va participer. Oui, de Radio Kawa, on se retrouve le samedi 7, donc juillet 2018, hein, si vous écoutez ça l'année prochaine, en 2019-2020, ce ne sera pas d'actualité, mais vous trouverez, je crois qu'on commence vers 20h à l'école multimédia à Paris, donc c'est très parisiano-centré effectivement, mais si vous voulez disons, passer un moment avec les animateurs et les animatrices de toutes les émissions de Radio Kawa, enfin de tous ceux et toutes celles et tous ceux qui peuvent se rendre sur place, et voilà, c'est, on passera un week-end, il y aura aussi une émission spéciale de Storytime et une émission de un quiz d'Allo Central en direct également depuis l'école multimédia, ça sera le dimanche 8. Donc si vous êtes par Paris dans le coin de Paris par hasard ce week-end, n'hésitez pas à passer, vous pouvez réserver des billets en ligne sur bien sûr radiokawa.com comme d'habitude, et je vous enjoins à nous rejoindre. Sinon c'est un, on a mis derrière nous, disons, je pense, le plus difficile du Lancelot Graal. Peut-être pas aussi bien qu'on aurait voulu, mais ma foi, il faut parfois rendre à l'évidence. Je suis assez satisfait finalement de l'épisode qu'on vient de vous rendre. En tout cas, voilà. Et on espère. Merci de nous avoir suivis sur ce long parcours. On vous promet encore 3 épisodes consacrés au Lancelot Graal, donc vous inquiétez pas, vous aurez tous les tenants et les aboutissants de l'œuvre globale. On reparlera peut-être un peu moins des détails biographiques les prochaines fois aussi. Oui. Et on vous dit à la prochaine fois, si on arrive à rentrer vivant respectivement d'Angleterre et de Paris, on vous retrouvera le mois prochain. Et on vous dit à très bientôt. Et rappelez-vous, la quête continue. Outcastos ou Pouyayos? Ah, salut, c'est Eric. J'étais en train d'enregistrer l'autopromo de Comics Outcast, le podcast français de référence sur les comics et leur multivers. Grâce à notre équipe de super chroniqueurs et chroniqueuses et leurs conseils et leurs critiques, découvrez les nouveaux titres DC, Marvel, Image, et Urban, et Valiant, Aftershock, et Glénat, Dark Horse et tous les bons éditeurs indés du moment. Toutes les deux semaines, on vous rend fou avec nos débats pleins de mauvaise foi, le trop pas, et nos anecdotes incroyables et inutiles sur cet obscur film de 88, 89 et nos prestigieuses blagues d'intro. Alors, attrapez votre téléphone, abonnez-vous vite à Comics Outcast sur iTunes. Donnez-nous 5 étoiles et votre meilleur super commentaire. C'est déjà fait ? Alors levez-vous, maintenant !